Alors, Daniel, si tu définissais, toi, ta perception de l'ennui? C'est bien compliqué de définir ma perception de l'ennui, étant donné que je m'ennuie jamais. Alors, celle qui est la nôtre? Bon, si tu t'ennuies, oui. Qu'est-ce qui motive l'ennui chez l'humain? Bon, depuis belle lurette, l'homme s'ennuie. Il a inventé de toute façon tellement de choses dans la matière pour essayer de pallier à cet ennui. Lorsque l'homme ne peut pas se supporter lui-même, il essaie de se faire supporter par les autres. Alors il invite des amis, il crée des parties, il crée des orgies, il crée des sauteries, il crée un paquet de choses, il invente la danse, il invente le chant, il invente les fêtes, il invente les banquets, il invente il invente peut-être pas le sexe, mais il invente l'hypersexe. Il invente les sports, il invente les jeux, il invente la panoplie de jeux que l'on peut retrouver. Il invente évidemment le jeu de cartes, qui a été l'un des premiers palliatifs à l'ennui, et on a inventé, après le jeu de cartes, un paquet de jeux pour jouer aux cartes. Il invente une panoplie d'instruments de musique, il invente la poésie, il invente la peinture. D'ailleurs, c'est Saint-Germain qui est le premier à amener chimiquement, la création industrielle de différentes nouvelles couleurs pour arriver à peindre un peu plus. Il invente l'art, la sculpture, il invente la dégustation des aliments, comme le vin, la nourriture, le fromage. Il invente la lecture, le livre. Il invente quoi d'autre? Le travail. Et tout ça, le travail un peu, mais tout ça, en fin de compte, parce que l'homme s'ennuie. Elle s'en fait de l'énergie placée pour pallier l'ennui. Toutes ces choses ont été inventées pour cela. Évidemment, il y a des résultats secondaires de certaines choses. Ça va, par exemple, permettre à certaines personnes de s'instruire en jouant. C'est le résultat secondaire. Parce que si on ne vend plus les jeux conventionnels, alors on va s'efforcer de vendre des jeux éducatifs. Mais on ne vend pas les jeux éducatifs de prime abord. C'est pour désennuyer l'enfant, qu'on lui donne une branche de bois puis qu'il faut qu'il en fasse une poupée. Bon, on peut aussi donner... Pourquoi l'être humain a domestiqué les animaux? Oh, je ne parle pas du cheval, je parle du chien, du chat, je parle des oiseaux, du perroquet, je parle du serpent, de la tortue, de l'iguane, parce qu'il y en a évidemment qui se désennuient avec ça. Bon, encore une fois, parce que l'ennui. Pourquoi? Enfin, il y a tellement. Regardez, quel est le pouvoir financier, matériel, du palliatif à l'ennui? Aujourd'hui, c'est encore pire. On a les vidéos, on a la musique, l'orchestre dans une cassette ou dans un disque. On a le Walkman, évidemment, et le Walkwoman, pour les sexistes, et le promeneur, pour être français. On a tellement. Le cinéma, on l'a inventé, pourquoi? Encore une fois, pour se désennuyer. Et combien de milliards et de milliards et de milliards de dollars vont être engloutis chaque année dans le désennui? Évidemment, le fait que l'homme s'ennuie oblige la création d'une industrie lourde qui va aider à la progression, disons, matérielle, du confort de l'humanité. Mais les trois quarts de cette industrie, en fin de compte, n'a pas amélioré le confort de l'humanité, a amélioré les dépenses des individus et n'a jamais instruit ou forcé l'individu à arriver à s'assumer lui-même pour ne plus demander d'être assumé par d'autres ou par des objets. Mais ça semble avoir produit beaucoup d'effets quand même, l'ennui. Est-ce que l'ennui, on ne pourrait pas l'avoir comme quelque chose d'utile? L'ennui, c'est quelque chose d'utile. Même si c'est quelque chose de difficile à supporter. Non. L'ennui, c'est quelque chose peut-être de difficile à supporter, mais c'est quelque chose de fondamentalement utile parce que l'être humain est régi par deux mécanismes psychologiques qui, se heurtant l'un l'autre, créent l'ennui. L'être humain, premièrement, n'est pas un ver de terre. Bon, beaucoup pensent que l'humain est un être relativement médiocre qui a été créé pour servir. Non, le maître qui crée l'esclave est souvent beaucoup plus involué que l'esclave. Bon, alors l'homme n'a pas été créé pour servir. Il peut servir à bien des choses. Il peut aussi servir à bien des choses. Bon. Le problème, le phénomène, c'est que l'être humain, lorsqu'il vient au monde, et ça c'était tous vous autres, lorsque vous êtes venus au monde, l'enfant ne s'ennuie pas. Le bébé ne s'ennuie pas. Le bébé pleure parce qu'il a faim, le bébé pleure parce qu'il est mouillé, le bébé pleure parce qu'il a froid ou chaud. À un moment donné, le bébé apprend rapidement qu'un être humain quelconque, qui va être sa mère ou l'infirmière ou la gardienne ou son père ou sa sœur, etc., mais un être humain quelconque finit par lui donner à boire, par le changer. Alors, automatiquement, lui, il finit par comprendre que lorsqu'il a tel mécanisme apparemment qu'il n'aime pas, lorsque l'être humain arrive, ça règle les choses. Alors, lentement, il s'attache à l'humain. Il a besoin de l'humain parce que l'humain amène pour lui de la sécurité. Mais il ne s'ennuie pas. Lorsque l'humain n'est pas là, il ne s'ennuie pas. Il pleure parce qu'il a peur. Il est insécure. Quelqu'un d'autre vient pour le prendre, l'enfant pique une crise pareille. Donc, l'enfant ne s'ennuie pas, l'enfant a peur. Et lorsqu'un autre adulte le touche, il ne perçoit pas la même énergie, la même chaleur, la même position sur le corps de l'autre, le même rythme cardiaque, etc., la même odeur. Alors, évidemment, le bébé découvre de l'inconnu et il a peur. Mais le bébé finit par accepter un cadre plus ou moins sécuritaire. Alors, les parents sont dans la maison, tout ça, ils commencent à connaître les pièces, les couleurs, les bruits. Alors, il ne se saute plus à chaque fois qu'un camion d'huile vient mettre de l'huile dans le réservoir. Il connaît. Dans ce cadre, l'enfant, maintenant, veut découvrir le monde. Celui qui s'ennuie ne veut pas découvrir le monde. Mais celui qui veut découvrir le monde, jamais il ne s'ennuie. Alors, l'enfant ne s'ennuie pas. L'enfant veut goûter à tout. Il rentre dans l'armoire, il sort par une autre porte avec une casserole sur la tête. Il veut goûter au SOS. Bon, dans la pharmacie, n'importe où, l'enfant veut découvrir. L'aspirateur, ça aspire, à un moment donné, il va se mettre la bouche dedans. Bon, la mère découvre aussi des choses, parce que l'enfant ressort tout ce qu'il y a dans les armoires. Et l'enfant ne s'ennuie pas. L'enfant joue. Tu lui donnes, comme un chat, tu lui donnes n'importe quoi. Une bébelle, il va jouer avec, il va à mordre, il va à promener. Tu lui donnes un livre, il ne lira pas, évidemment. Il n'est pas fou. Il va tout le déchirer, il va le manger. Bon, il va. Mais il ne s'ennuie pas. Alors, mais donner un livre à un adulte, quand il a fini de le lire, est-ce qu'il déchire et puis il bouffe? Non. Mais l'enfant, oui. L'enfant ne s'ennuie pas. L'adulte va s'ennuyer. Bon. À un moment donné, j'avais vendu à une personne deux livres pareils. Je lui ai dit, quand tu as fini un, tu liras l'autre. Bon. Maintenant, tant que l'être humain veut découvrir le monde, il ne peut pas s'ennuyer parce qu'il y a le monde. Sauf qu'au fur et à mesure que l'enfant agglomère des connaissances dans sa mémoire, il finit par se créer un monde qui n'est plus le monde extérieur, mais il finit par avoir suffisamment de mobilier dans sa mémoire pour créer un monde à l'interne, chez lui. Alors, à un moment donné, tu veux l'envoyer à la maternelle, puis là, c'est la catastrophe parce que l'enfant ne veut plus découvrir. L'enfant veut maintenant juste changer son monde. Il ne veut plus découvrir. Alors, tu l'amènes à la maternelle, puis là encore, là, c'est la crise parce que là, l'enfant, lui, ne trouve un mobilier neuf et il ne peut pas trouver une place chez lui pour le rentrer dans sa maison. Plus l'enfant est amené jeune dans une garderie, plus l'enfant s'adapte vite. Pourquoi? Parce que tant que l'enfant veut découvrir, amène-le n'importe où, il veut découvrir. Et quand l'enfant finit par avoir suffisamment de mémoire, qu'il commence à s'asseoir un peu sur sa grosse couche, peut-être que là, il n'y a plus de couche, et puis, sur son pot, et puis là, il est bien. Il est bien. Pourquoi? Pourquoi il est bien? Parce que maintenant, il a une sécurité suffisamment orchestrée, suffisamment grandiose, pour qu'il n'a plus besoin d'eux. Tu regardes par la fenêtre, la neige, correct. Tu n'as pas le goût d'aller toucher la neige. Bon, l'enfant a toujours un peu le goût. Il y a autre chose aussi, c'est que dans cette découverte du monde de la maison et peut-être de mon oncle, ma tante, tu sais, les personnes qui font comme ça quand ils rencontrent, là, dans la découverte du monde, ils découvrent la souffrance et la douleur. Grand-maman qui vient toujours le dépeigner, tu sais, puis mon oncle qui croise la joue, puis l'autre qui donne des claques les fesses, puis l'autre qui garoche les airs. Bon. Alors, il découvre un peu la douleur. Alors, il finit par savoir, par comprendre, par apprendre, par expérimenter le fait que découverte du monde veut dire risque. Lorsque le critère de risque a suffisamment d'ampleur dans sa conscience infantile, suffisamment d'ampleur, elle peut arriver à dire à l'enfant que c'est plus nécessaire maintenant de découvrir. C'est bien. Toi, tu jouais, prêtez pas à personne. Tu commences à ramasser tes choses, puis t'as ton monde. Ça va, la vie n'est pas pire, mais ouvrez pas les portes trop souvent. Oui, mais qu'est-ce qui fait que l'enfant va réagir comme ça, finalement? Mais l'enfant parce que là, ça dépend peut-être du milieu familial ou de la manière qu'on lui montre des choses. Oui, c'est évident. C'est évident et non. C'est que, premièrement, fondamentalement, l'âme de l'enfant, donc son ego, son corps astral, est une entité qui mémorise, qui veut avoir suffisamment de mémoire pour créer une identité. Alors, vers l'âge de 2-3 ans, l'enfant va transformer son prénom en « je », en « moi ». Il va arriver donc à se moitiser, c'est-à-dire qu'il va savoir qu'il existe. Bon. Lorsque l'enfant sait qu'il existe, c'est là que ça devient un peu ambigu. Il faut réellement qu'on donne à l'enfant le goût de s'émerveiller. Si l'enfant est instruit à s'émerveiller, hein, si vous auriez réellement été instruit à vous émerveiller de tout, bien évidemment, toujours, vous auriez voulu connaître quelque chose d'autre. Mais s'émerveiller puis triper, c'est deux choses. Parce que tu ne peux pas t'émerveiller toujours des mêmes phénomènes. Tu les connais. Tandis que le tripeux, lui, il veut répéter les mêmes choses parce qu'il veut réengendrer chez lui le phénomène émotif qu'il a connu lorsqu'il a découvert la chose. Un tripeux, c'est pas pareil. Donc, il y a évidemment le phénomène même que l'être humain doit avoir une conscience amique, donc une âme. C'est-à-dire qu'il doit avoir une conscience intrinsèque de lui. Et cette conscience de lui va germer à partir de l'expérience qu'il va sensoriellement découvrir lors de son enfance. Lorsqu'il a suffisamment de mémoire et qu'il a acquis que ça, c'est bon, telle place, c'est dangereux. Quand tu sors dehors, des fois, il fait froid. Une fois, c'était fait mouiller. Il y a un chien qui est une espèce de bébite que tu n'as jamais vu, que tu es parti après. Il y a des passants, d'autres adultes qui sont passés pour te trouver beau, là. Alors, l'enfant finit par avoir, par connaître le risque. Et le risque amène rapidement la douleur, la souffrance. Et la douleur, la souffrance amène rapidement la peur. Alors, l'enfant aura peur de l'inconnu. Alors, l'enfant, tu le mets dans un nouveau cadre, puis c'est la crise. Maintenant, si dans ce cadre, tu lui montres des choses familières, par exemple, tu as amené sa poupée, son pitou, tu as amené des choses que l'enfant reconnaît chez lui, alors la gardienne ou encore le professeur de maternelle, s'il amène à l'enfant des choses connues, ben là, l'enfant se retrouve un peu plus. Puis après ça, l'enfant se fait des amis, puis là, il s'adapte. Mais change-le pas de garderie ou de maternelle. L'insécurité, est-ce que ce serait à la base de l'ennui? Non. L'insécurité, c'est à la base de la recherche de la sécurité. La sécurité est à la base de l'ennui. C'est le problème chez l'homme, parce que oui, mais là, j'ai pu m'ennuyer, mais je suis bien chez moi, mais je suis plus bien. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que l'être humain n'est pas un avorton. L'être humain n'est pas un être qui doit juste remplir un sac à dos de mémoire, et une fois que c'est suffisamment rempli, il s'assoit, puis il reste là, puis il est bien. Parce que l'être humain, fondamentalement, est possédé. L'être humain est possédé par un tout petit peu d'esprit qui l'oblige à grandir. Et c'est cette soif de projection, cette soif de conscientisation, de contact avec l'humain, lorsque l'être humain a un petit peu d'esprit, tous les humains ont un petit peu d'esprit, mais il y en a qui n'ont pas gros, enfin, ils l'ignorent. Il n'en faut pas beaucoup, de toute façon, faire germer quelque chose. Il faut une petite graine pour faire partir n'importe quoi. Sauf que si la graine n'est pas plantée dans de la terre, ça fonctionne mal. Alors, l'être humain a un peu d'esprit, et cet esprit n'est pas chez l'enfant expressif. C'est-à-dire que le cerveau de l'enfant n'est pas suffisamment puissant pour pouvoir connaître l'esprit. Dans la majorité des cas. Le corps physique de l'enfant n'est pas fini, il n'est pas, sa finalité constructive n'est pas finie. L'enfant, vers l'adolescence, on va pouvoir procréer. Donc, l'enfant n'est pas suffisamment solide pour pouvoir supporter de l'intelligence, donc supporter de l'esprit. Alors, vu que l'enfant ne peut pas supporter d'esprit et que l'humain, présentement, évolue dans un phénomène, disons, expérientiel planétaire typique à la planète Terre, l'humain doit, pour pouvoir connaître son esprit, avoir un âme. L'humain qui n'a pas d'âme ne peut pas connaître l'esprit. Mais l'humain qui connaît l'esprit finit maintenant par transformer son âme en esprit. Donc, l'humain qui connaît l'esprit n'a plus d'âme. L'homme nouveau n'a plus d'âme. Il est de l'esprit. Bon. Alors, l'âme n'a plus besoin d'être sauvée. L'âme est englobée dans l'esprit. Sauf que quand l'enfant vient au monde, il n'a pas d'esprit. Il a un esprit, mais il n'a pas d'esprit dans sa conscience. Il ne sait pas. Dans les premiers temps, il ne sait même pas qu'il est là. À un moment donné, il apprend à dire « je ». Là, il commence à voir qu'il est là. Après ça, il finit par avoir des goûts. Des goûts, je parle des goûts psychologiques, pas des goûts physiques. Il veut garder ses choses, il veut choisir tel ami, il veut, etc. Il va aimer plus sa mère ou son père, il va aimer plus un tel ou tel. Il commence à avoir un amour sélectif, un amour psychologique, un amour humain. Bon, lorsque l'enfant développe son âme, c'est simplement un ramassis de mémoire. Et la cristallisation de ces mémoires, donc les mémoires qui auront été répétées continuellement chez l'enfant, vont focaliser l'ego. Alors, c'est ça qui va devenir l'entité identificatrice chez l'enfant, donc chez l'adulte. C'est ça que l'enfant va dire. Le camionneur qui a chauffé des camions pendant 15 ans, quand il vient jaser avec toi, il te parle de quoi? Ben, il te parle de camions. Pourquoi? Parce que ça a tellement été répété, cette vision des camions, que son ego, c'est un ego de camion. Bon, quand il pète, ça sent l'exhaust, tout le monde sait ça. En tout cas, il y a un ego de camion. Bon. Un médecin parle de médecine, etc. Un tripeux parle de trip, un drogué parle de drogue. Bon, un gars qui est dans une telle religion parle de sa religion. Plus c'est répété, plus ça finit par faire partie de ton ego. Et autour de ton ego, ben, il y a évidemment ton âme. C'est ce qui arrive, c'est que l'âme est construite. L'âme peut porter un autre synonyme, le corps astral. L'âme, il est construit. L'âme, il est construit d'émotions, de désirs. Et il est chapeauté, c'est-à-dire qu'il est structuré par la mémoire. Plus l'humain accumule de la mémoire, plus l'humain a des désirs. Et plus l'humain risque de souffrir. Parce que les souffrances des pays sous-développés sont jamais aussi compliquées que les souffrances des pays industrialisés. Il y a presque jamais de suicide dans les pays sous-développés qui n'ont pas de raison de suicider. Tandis qu'ici, il y a des suicides. Alors ici, il y a des suicides. Ici, il y a plusieurs choses. Pourquoi? Parce que l'humain a beaucoup, beaucoup de phénomènes dans sa mémoire, donc il a beaucoup de désirs. Ayant beaucoup de désirs, il vit évidemment beaucoup de frustration. Et selon l'importance qu'il accorde à son désir et à sa frustration, il peut finir par penser que le désir était plus important que vivre. Alors, si le désir n'est pas assouvi, ben la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Tandis que dans un pays sous-développé, tu sais, quand tu n'as pas de banane, ben tu manges autre chose. Il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, le peu d'esprit qu'il a, ne peut être connu chez l'homme que si l'homme a une âme, une mémoire, un phénomène expérientiel. Lorsque l'enfant grandit, il accumule mémoire sur mémoire, alors il finit par avoir ce qu'on appelle un peu une forme de personnalité, qui se dégage lentement des parents, qui à l'adolescence, dans une crise majeure, essaie de se dissocier des parents. Mais le problème, c'est que se dissociant des parents, la conscience de l'enfant pourrait devenir individuelle. Mais hélas, se dissociant de la conscience collective des parents, l'enfant se collectivise avec tous les enfants de même âge et ça forme des groupes, des gangs, ce qu'on appelle des plans de génération, des strates de génération. Et l'enfant, au lieu d'être individuel, redevient maintenant collectif, mais au niveau de son âge. C'est normal que le sevrage psychologique ne puisse pas se faire pour l'instant parce que tant que l'enfant n'a pas le contact avec son esprit, il ne doit pas être sevré au niveau émotif. Parce que l'enfant n'a pas d'intelligence. Il est intellectuant. Quand je parle de pas d'intelligence, il faut faire attention, faut comprendre les mots que j'emploie. C'est que l'intellect, c'est de l'intellectuance. Et lorsque je parle d'intelligence, je parle d'un savoir instantané qui n'est pas expérimentable et qui n'est pas expérimenté. Par exemple, vous marchez dans la forêt et vous avez faim, vous rencontrez deux champignons, et puis là, vous devez réfléchir lequel des deux qui est bon. Ben, c'est pas tellement intelligent. Si tu le prends, celui qui est bon, tu le bouffes, ça, c'est intelligent. Ben, bon. Quand tu vas n'importe où et il y a quelque chose que tu ne sais pas, ben, tu le sais. Ça, c'est intelligent. L'humain, quand je parle du savoir instantané, c'est-à-dire que tu ne l'as jamais appris, mais quand c'est nécessaire que tu le saches, ben, tu le sais. Ben, ça, c'est intelligent. Pour faire une comparaison avec l'intellectuance, qui, elle, dépend des mémoires. Oh, mais ça, je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas appris. Mais vous n'avez jamais appris que vous vivez. Mais vous savez que vous vivez, vous ne connaissez pas, que vous savez que vous vivez. Lorsque l'enfant vient au monde, il n'y a pas besoin d'apprendre à téter. Imaginez-vous qu'on en perdrait des enfants. C'est le savoir instantané. Il sait qu'il doit téter. Sauf qu'à l'instant où l'âme se développe, l'âme chez l'enfant, le savoir instantané, la petite partie d'esprit qui permet à l'enfant de pouvoir survivre, même si c'est rien, pas tout, comme l'oiseau fait son nid, il n'a pas appris, il n'a pas besoin d'apprendre, c'est le savoir instantané. Mais l'oiseau est limité dans son corps, il n'est pas l'oiseau, les animaux ne sont pas des êtres évolutifs amélioratifs, ce sont des êtres évolutifs adaptatifs, ils s'adaptent aux conditions, mais ils n'améliorent rien. Or, l'oiseau n'ayant pas d'âme extrêmement puissante, n'ayant pas non plus de possibilité d'accumuler de l'expérience pour générer une âme extrêmement puissante, son petit savoir instantané n'est jamais altéré. Tandis que l'enfant, ça devient altérable, et à un moment donné, chez l'adulte, c'est altéré. C'est là, mais c'est plus connu. Pourquoi c'est plus connu? Parce que le poids de l'esprit étant tellement petit chez l'homme, lorsque l'âme grandit, le poids de l'âme prend une importance capitale, alors l'homme finit par penser « je suis un terrien ». Donc, il se coupe carrément avec toute la provenance d'où il vient. Même si on ne peut pas parler, ou même si on pourrait, même si l'enfant, ou même si l'adolescent, ou même si l'adulte ne peut pas savoir d'où il vient, ça n'empêche pas qu'il ne vient pas seulement que du ventre de sa mère. Il n'est pas que de la matière qui, à un moment donné, tu es poussière et tu retourneras poussière. Ça, c'est quand on parle au corps physique, pas quand on parle au reste de l'homme. Alors, l'enfant, avec la cristallisation de son âme, ramasse donc de l'émotion et des désirs. Lorsqu'il ramasse des désirs, il finit par prendre, tiens, j'ai soif, oups, ça brûle. Alors, il se rend compte que lorsqu'il y va direct, il y a encore un problème de souffrance. Alors, l'enfant va regarder l'eau, il a soif, et il va fouiller dans sa mémoire pour savoir si cette chose peut apporter des dangers. Alors, l'enfant saura, ah, ça peut être extrêmement gelé, peut être extrêmement chaud, ça peut être autre chose que de l'eau. Ça, c'est l'intellect qui commence à naître chez l'enfant. Et l'intellect va naître comment? Quand tu auras suffisamment de désirs et que tu auras suffisamment eu de souffrance avec tes désirs. Qui est une phase nécessaire. Essentielle. Alors, l'enfant finit par toucher, analyser, vérifier. L'enfant, lentement, pour pouvoir avoir une satisfaction au niveau de l'émotion, une satisfaction au niveau de ses désirs, donc une sécurité accrue dans le contrôle qu'il aurait du monde, finit par laisser de plus en plus de place à l'intellect. C'est pourquoi dans les écoles, on enseigne les mathématiques, même à ceux qui, même dans des carrières qui n'ont pas besoin, l'histoire de développer la faculté mentale, de logiférer sur les événements, donc la faculté de l'homme d'être intellectuel un peu. L'intellect fait quoi? Ben l'intellect, lorsque l'être humain s'en remet souvent à son intellect, il finit par analyser la vie autrement qu'émotivement. Il a des émotions. Mais lorsqu'il voit quelque chose, il l'analyse intellectuellement et après, il va peut-être vivre au niveau émotif. Lorsque l'intellect grandit, l'intellect devient ce que j'appelle le mental. Le mental est tout à fait désassujetti de l'émotion. C'est-à-dire que lorsque l'enfant vit une expérience, ou lorsque vous, même en tant qu'adulte, vous vivez une expérience, prenons l'exemple d'une expérience traumatisante, vous enregistrez l'événement, mais en même temps, vous enregistrez l'émotion vécue avec l'événement. Et là, mon problème, c'est que vous ne pourrez plus jamais dissocier l'émotion enregistrée avec l'événement. Alors, chaque fois qu'on va vous remémorer l'événement, vous allez revivre l'émotion. Chaque fois que vous allez vouloir penser à l'événement, l'émotion va revenir aussi. Dans le plan de l'homme, c'est ce qui se passe. Mais lorsque l'homme a un plan mental suffisamment évolué, donc l'intellect pour commencer, mais l'intellect, c'est un petit peu... L'intellect, c'est presque de la merde. C'est pas fort, l'intellect. L'intellect, ça, c'est un ajusteur psychologique qui permet à l'humain d'ajuster la réalité des choses à son émotion. C'est un ajusteur psychologique. Ton fils qui est allé à la guerre, il est mort. Alors la mère va répondre, « Oh non, non, non, ça se peut pas. Non, non, non, il fait toujours attention. » C'est l'ajusteur psychologique. Le mental va dire, « Oui, ça se peut. Quand j'aurai confirmation, je saurai. » Puis si j'ai à pleurer, je pleurerai, mais pas pour l'instant. Bon, le mental va légiférer de cette façon. Parce que le mental est suffisamment avancé chez l'homme, le mental permet toujours les émotions. Tandis que l'intellect annule les émotions, souvent. Lorsque le mental est suffisamment évolué chez l'homme transitif, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que l'esprit de l'homme ne peut s'asseoir sur l'homme que sur du plan mental, que sur de l'énergie mentale. L'esprit de l'homme ne peut pas s'asseoir sur l'émotion. Parce que lorsque l'esprit s'assoit sur l'émotion, l'homme va dire « C'est pas comme je pensais. » Ou encore « Tiens, Dieu est noir. » Tu vas dire « Tabarnouche, hey, là je suis connecté, là je touche. Poussez-vous d'être là, vous autres. » Parce que tu as de l'émotion, donc automatiquement tu as des désirs, donc automatiquement tu veux encore ta sécurité, donc automatiquement tu vas te prendre pour un prophète, tu vas te prendre pour un missionné, tu vas te prendre pour je ne sais quoi, mais tu vas te prendre pour tout sauf toi. Un être humain normal qui maintenant a de l'esprit qui s'assoit sur lui. Et cet esprit-là, c'est aussi de lui. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que si l'être humain a de l'émotion, le gars qui a un contact avec une entité magistrale, s'il y a plein, plein d'émotions, le cœur, il accélère à tout rond, il faut qu'il crie à tout le monde après. Il y en a plein qui ont eu des problèmes majeurs avec ça. L'esprit ne peut pas s'accoter sur l'émotion parce que lorsque l'esprit s'appuie sur l'émotion, il devient émotif. Donc, il ne peut plus t'expérimenter à sa juste valeur. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu aimes Dieu. Parce que le Dieu que tu aimes sans le connaître, c'est automatiquement un concept de Dieu. Si le Dieu arrive autrement que dans le concept, tu vas le refuser. Mais si c'est mental, laisse faire la couleur, la coloration, l'habit, la forme. Si tu es un être mental, l'homme transitif relativement avancé, quand je parle d'homme, je parle de femme, lorsqu'à un moment donné, il se passe quelque chose chez toi, le mental est capable de reconnaître l'authenticité de la chose. Il n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un pour lui demander s'il est plugué à la bonne place. Il est capable aussi de reconnaître la fausseté d'une chose. Mais il n'est pas émotif. « Ah, j'aime ça ce qu'il dit là, j'aime ça. » Oui, c'est peut-être tout à fait faux. Mais t'aimes ça. Tu dois donc le prendre. Il y a un bonhomme de l'Antiquité qui a déjà dit que dans les belles paroles, on avait souvent des faussetés. Et que dans les paroles rapides et directes, on avait souvent des choses réelles. Et c'est un fait. On peut mettre des paroles extrêmement belles, mais l'être humain, vu que les paroles sont belles, qu'est-ce qu'elles sont les paroles? C'est qu'elles ont un décor émotif. Plaisant émotivement à l'homme, ben l'homme les accepte. Mais le fond de la parole, l'émotion ne veut pas le voir. Tandis que quand l'être humain est suffisamment mental, donc un peu au-delà de l'intellect, tu mets encore les belles paroles, le mental prend ça, l'esthétique, il l'oublie, il vérifie le fond de la chose, ça a de l'allure, il remet l'esthétique, puis il trouve beau. Sauf que si c'est pas, il vérifie le fond de la chose, ce n'est pas correct, alors il repousse tout. L'être humain a donc fondamentalement chez lui une particularité majeure que vous avez sans doute déjà observée, celle de vouloir s'améliorer, celle de vouloir être autre chose que ce qu'on est. On l'a d'une façon amique, d'une façon émotive, mais on l'a aussi d'une façon intelligente. À un moment donné, c'est pas intelligent d'être comme on est. Il y en a qui j'aime plus ça. Puis il y en a qui disent c'est stupide, c'est con, c'est absurde à un moment donné. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que chez l'être humain, il est l'être humain divisé en deux luttes. Le contact avec son plan d'esprit qui oblige l'être humain à devoir continuellement faire une ascension, donc augmenter son plan vibratoire, pour arriver à comprendre les choses. Je ne parle pas nécessairement de contact avec Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais de comprendre des choses, d'expandre sa conscience. Tu as un enfant, tu as des problèmes avec, tu aimerais comprendre. Tous les hommes sont de bonne volonté. Le problème qu'il y a, c'est que l'homme qui veut faire le bien, souvent le fait mal. Alors, tu veux comprendre, mais tu ne peux pas. Et c'est cette chose qui t'oblige, à un moment donné, à lire, à sortir. Tu as ta maison, mais l'être humain est un être cosmique. Fait que tu ne peux pas rester là, lorsque tu as une conscience mentale relativement en train de naître, un intellect. On peut dire l'intellect, c'est le mental qui reste assujetti à l'émotion pour l'instant. À un moment donné, tu veux connaître la ville, tu veux connaître le métro, tu veux aller... à l'expo à Vancouver, tu veux connaître le monde un peu, tu regardes la télévision, mais plus juste des trucs émotifs, juste des romans d'amour, tu veux aussi observer des trucs scientifiques. Tu veux se connaître, tu veux finir par devenir un peu plus planétaire. Alors, ce qui se passe en Libye, ça t'intéresse un peu. Lentement, l'humain devient de plus en plus un être humain qui veut connaître un peu plus loin. Goose Bay, ben, on commence à s'intéresser. Fatima, ben, il y a beaucoup de gens maintenant qui connaissent ça. Le nom a changé dernièrement. On sait, par exemple, que, bon, il y a plusieurs choses qu'on connaît, comme Kanawaga porte maintenant le nom de Kanawaga, Kanawage, qui est le nom indien. C'est de plus en plus connu. L'être humain veut, sait un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose chez lui qui l'oblige toujours, et c'est le problème de l'ennui, à sortir du monde connu. La sécurité te fait asseoir et la recherche d'apprendre te fait sortir. Lorsque tu es dans une sécurité, mais presque fini, puis d'une recherche qui est... tu t'ennuies. C'est ça, c'est que il semble que je peux percevoir que c'est l'ennui, c'est comme l'antithèse de l'amour. Ça tue l'amour. Oui. Au lieu d'être attiré, tu... Oui, mais disons que c'est d'une façon relativement cosmique ce que tu annonces là. Effectivement. L'ennui, c'est quand tu n'es plus attiré par rien. L'antithèse de l'amour, il n'y a plus rien qui t'attire. L'ennui, c'est ça. Tu es chez vous, tu es bien. Tu t'ennuies pas. Tu es toujours en train d'explorer. Tu t'ennuies pas. Tu es chez vous, puis tu veux sortir. Mais tu veux sortir, puis tu es chez vous. C'est là, oui, que l'ennui apparaît. Tu allumes ta télévision... Ah ben, si bon, rentre. Témoin de Jéhovah, Christian, l'air de quoi? Viens t'asseoir. Là, c'est du neuf. Là, l'ennui. On t'appelle, sors-tu à soir, encore une sortie, tu sais. Si on te ramasse, puis qu'on t'amène, rendu là, ça marche. Rendu là, bah, OK, j'ai bien fait de venir. Pourquoi? Parce que la vie étant toujours un peu neuve, même si on la répète, mais t'as au moins un peu de neuf. Dans ta sécurité, tu ne t'ennuies plus. Si on comprend juste la phénoménologie du mécanisme de base de l'ennui, bien, vous allez être capable d'appliquer un million de solutions à vous sans avoir besoin de les apprendre. Vous allez être capable de les trouver. Si on comprend, parce que l'être humain a besoin de sa sécurité et il a besoin en même temps d'avancer. Lorsque la lutte entre le désir d'avancer ou la nécessité d'avancer et le désir de sécurité est à point égal, bien, l'être humain est bloqué. On appelle ça confituraliser. Jamais. Alors, il est... Vous voyez pourquoi des fois il faut réentendre la cassette? Mais jamais pas français, alors. Bon. Alors, l'humain peut plus. Pourquoi c'est du vieux? Ça t'a toujours sécurisé? Mais là, à un moment donné, il faut que tu prennes ton lit, il faut que tu le tasses, tu le vires de bord, puis tu le mets là. Ben tu oui, mets ton bureau là, change ta lampe de place, puis t'accroches tes supports à l'envers, puis ta chambre est plus belle. Mais ça n'a rien changé. Mais ben c'est oui. Tout changé, c'est un look neuf. Oui. Oui, mais Daniel, c'est que ça prend une certaine forme d'énergie pour pouvoir faire ça. Le problème, il est là. De quelle façon l'être humain qui est assis peut-il arriver à agir? Parce que celui qui agit ne s'ennuie pas. Le problème n'est pas là. Celui qui n'agit pas, mais qui est bien dans sa sécurité, ne s'ennuie pas. Le problème n'est pas là. Mais celui qui est pris, celui qui s'ennuie, comment va-t-il se lever? Il sait très bien, inconsciemment, que s'il se lève, il va affronter du neuf. Alors, il veut sa sécurité. Alors, son ego, son âme, va le forcer à rester écrasé. Mais l'esprit qui vient le forcer, et l'esprit sait très bien que l'homme va découvrir ce qu'est de l'esprit lorsque l'homme aura suffisamment payé sa dette matérielle, c'est-à-dire que lorsque l'homme sera suffisamment cassé le nez sur les murs, ben, il va finir par regarder là où il veut regarder et trouver l'esprit. Alors, si l'homme cesse d'expérimenter, si l'homme n'a pas expérimenté l'esprit et qu'il cesse d'expérimenter, il ne connaîtra pas l'esprit. Alors évidemment, l'esprit force l'homme, motive l'homme à devoir bouger, mais l'esprit, c'est de l'intelligence, et comme toute forme d'intelligence, ça ne force jamais. Ça n'intentionnalise jamais l'humain. Ça ne prendra jamais l'humain par le chignon pour le placer à sa place, jamais. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas. Le corps physique de l'homme, ainsi que son corps vital, son âme, son corps astral, ainsi que son plan mental, sont normalement suffisamment énergisés, donc bas en vibration, que si l'esprit doit descendre suffisamment bas pour aller chercher l'homme, elle descend trop bas puis elle s'oublie elle-même. D'ailleurs, c'est ce qui a créé l'homme, le phénomène de l'homme. Alors, donc, l'esprit, ben, elle attend. Il faut un coup de pied en arrière, il faut un coup de vent qui casse une vitre, il faut quelque chose pour que l'être humain, à un moment donné, grouille un peu. Et là, l'esprit, le plus bas, mais le plus bas que l'esprit peut aller pour aller chercher un homme par le crochet, par le collet, c'est lorsqu'elle s'exprime par ce qu'on peut appeler l'énergie créative. Alors c'est le plus bas. En bas de tout ça, ça ne fonctionne plus. L'esprit, c'est plus de l'esprit, ça devient de l'humain. L'esprit de l'esprit, c'est de l'humain. Alors, lorsque l'énergie, lorsque tu as juste suffisamment, bon, on va faire quelque chose. Là, tu commences à ramasser par le plus bas de ce que l'esprit peut s'exprimer en tant que l'homme. Plus bas que ça, l'esprit perd en vibration et il s'oublie. Vous êtes de l'esprit, hein, mais vous ne savez pas, vous l'avez oublié. Voilà, ben, quand l'esprit descend trop bas, il s'oublie aussi. Alors, l'esprit, il reste à un certain niveau, puis l'homme doit monter. Depuis le début des écoles ou des enseignements traditionnels, on enseigne que l'humain doit augmenter, monter. Oui, mais l'évolution vient d'en bas. Alors, on a eu le tantrisme, on a eu un paquet de phénomènes d'énergie qui disaient que du bas de la colonne vertébrale, ça devait faire monter les énergies jusqu'à la tête. Sachez que dans les 98% des cas de ceux qui vont, peut-être même 100% de ceux qui sont ici ce soir et de la majorité des personnes du Québec, et enfin du nord hémisphère de notre planète, c'est fait. Tout ce qu'il y avait en bas est maintenant en haut. Vous avez mental. On ne peut pas demander plus de cette énergie. Maintenant, le contact ou le phénomène évolutif ne doit plus se faire de bas vers le haut, c'est rendu dans la tête. Maintenant, c'est en haut qui descend vers le bas qu'on doit faire le contact. Mais pas le contact. Quand quelqu'un a un contact, il ne dit pas « Hey, moi, je suis contacté. » C'est un imbécile averti. Il n'est pas contacté. À un moment donné, tu parles, tu te réponds, tu comprends les choses. C'est ça, être contacté. Tu restes toi, mais tu comprends la vie. Tu restes toi, mais tu ne t'ennuies plus. Tu restes toi et tu ne souffres plus. On ne vient pas te parler dans ta tête. Tu parles, tu sais. Ça, être contacté par toi. Tu sais, quand toi, tu te connectes avec toi, ben, tu ne dis pas que tu es connecté avec toi. Ben, veux dire, tu regardes ta main, puis tu regardes l'autre main, tu ne dis pas, tiens, ma main, j'ai une main à part, puis tu sais, c'est fusionné, c'est le corps. Alors, lorsque l'homme est en contact avec lui, lorsque l'homme rentre dans son intelligence, donc lorsque l'homme cesse d'être régi par la conscience collective, parce que on ne peut pas collectivement rentrer. Vous savez, comme j'ai déjà expliqué à un moment donné, il paraît que les portes du ciel sont très, très petites. Fait que vu que l'homme veut évoluer en grosse gang, mais la gang ne rentrera pas en même temps dans le ciel. Hein? La porte est toute petite. Fait que l'être humain rentre individuellement là-dedans. Il va rentrer en grosse gang, ça va se battre en maudit aux portes du ciel. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez l'être humain, il y a un inexorable besoin de connaître du neuf. Et l'âme qui va supporter le mental, qui va pouvoir donc entrer en contact avec l'esprit, donc l'âme est essentielle, mais l'âme, lorsque le contact est fait, l'âme doit maintenant lentement se dissoudre, c'est-à-dire être supramentalisée, donc être espritisée, donc être transformée en esprit, pour laisser la place à l'esprit dans l'homme. Les deux ne peuvent pas habiter en même temps dans l'homme. Alors le problème, c'est que l'être humain se conscientise un peu, il apprend des choses, et puis soudainement, on dirait que l'énergie part. Alors l'être humain ne sait plus, il n'a plus le goût de rien, il mange, il ne coupe pas ce qu'il faut ici. Oui, j'ai déjà observé que des gens, même dans leur travail, ils disent « Ah, j'ai hâte d'aller travailler. » Une fois qu'ils sont rendus là, j'ai hâte que je sois rendu chez. C'est le même travail. Mais c'est ça, tout ce qu'ils veulent, le changement. Ils vont même jouer et puis c'est plate. Et puis tout est plate. Pourquoi penses-tu c'est que quoi, la majorité c'est... des gens ici ont hâte au premier flocon de neige? Parce qu'ils n'ont pas eu cet été. Mais pourquoi penses-tu que les mêmes gens vont avoir hâte à l'été, cet hiver? Parce qu'on n'a pas eu d'été. Parce que l'hiver est fait. Qu'est-ce qui arrive? Ben, on est chanceux, on a quatre saisons. L'automne, c'est beau. À un moment donné, t'as hâte, ça part. L'hiver, c'est beau. À un moment donné, t'as hâte, ça part. L'été, c'est beau. À un moment donné, c'est chaud. Là, on recommence avec l'automne. Pourquoi? Parce que, enfin, du neuf qu'on connaît. C'est sûr, mais c'est un peu neuf. C'est un cercle vicieux qui est très, très, très grand. Où est-ce qu'on s'y retrouve et comment qu'on fait pour en sortir? Il faut que la personne essaye de nouvelles choses à travers tout ce qu'elle vit. Vous savez, vous ne mourrez pas, vous ne vieillirez pas d'une façon psychologique, d'une façon différente. Il n'y a plus beaucoup d'humains qui sont morts présentement, mais leur corps physique fonctionne encore. On va les enterrer dans 10, 15, 20 ans, mais ils sont morts. Il n'y a rien à faire. Mais quand tu dis qu'on faut essayer des choses nouvelles, c'est pour chacun, ça? Oui. C'est pas collectivement ou dans des idées collectives? Toujours. À 18 ans, l'enfant, il déménage. Puis déménage, puis déménage, puis déménage. À 20 ans, il déménage, puis déménage, puis déménage. À 45 ans, il déménage moins. À 60 ans, il déménage plus, sauf son force. Pourquoi? C'est ça, le goût de la découverte. Oh, tu sais, là, je me suis assagi. Là, les folies de jeunesse, c'était pas des folies. Mais toi, tu dis des folies pour pouvoir te donner raison de plus rien faire. Mais c'est des folies de vieillesse. L'ennui se rapproche, l'ennui s'en vient. On va t'étrangler l'ennui. Alors, à un moment donné, on appelle ça l'âge d'or. Et souvent, c'est... L'âge que tu dors. Oui, c'est ça. T'es d'or et déjà oublié. Bon. Alors, l'âge d'or. On doit maintenant désennuyer les personnes âgées. Puis c'est quoi les désennuis? Ben, ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Ils embarquent dans le même maudit poste, ils amènent une place, ils débarquent, ils ramènent des... Mais ça devient extrêmement assez ridicule au niveau sociétaire pour la simple raison que ces personnes-là, si à un moment donné, ils seraient rééduqués, ils peuvent être rééduqués. Oui, il y a beaucoup de personnes, à un moment donné, qui font le séminaire PMC1 qui me disent « Oui, mais moi, à 60 et quelques années, là, tu sais, j'étais un peu tard. » C'est drôle, c'est ceux-là qui comprennent le plus. La majorité, on a passé des questionnaires à un moment donné parce qu'on voulait connaître un peu ce qui se passait. Bon, il y en a évidemment qui ont été frustrés et qui ont posé des questionnaires, mais c'est parce qu'on veut savoir qui c'est qui vit ici. Bon. On s'est rendu compte que la majorité de ceux qui font le PMC ont entre 30 et 50 ans. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est pas tous des jeunes qui ont un reconditionnement physique, un paquet de ceci, etc.? Non! C'est que le jeune, lui, le jeune est encore un peu, le jeune fonce. Le jeune, il rentre dans le sec, il rentre dans le bebel, il va là, il te lève, il manque son cou, il vient là, il broye un peu, il se marie, il divorce, s'en va. Mais entre 30 et 50 ans, les égaux sont suffisamment avancés que l'être humain veut commencer à avoir quelque chose de plus sécure, là. Alors là, tu lui amènes n'importe quoi, puis on appelle ça de l'expérience, puis là, il gobe plus n'importe quoi. Fondamentalement, le PMC s'adressait à n'importe quel âge. Puis on s'attendait à avoir un paquet de jeunes, puis tous nos profs, c'est des jeunes. 30 à 50 ans, c'est la majorité. On a 8% qui ont en haut de 50 ans. Puis on a 6% qui ont en bas de 20 ans. Bon, dans 18 et 20. Alors c'est réellement c'est ces gens-là. Pourquoi ces gens-là? C'est déjà relativement intéressant, c'est beau, c'est même formidable. Pourquoi? Parce que plus tu accumules de ta mémoire, on appelle ça plus tu vieillis, moins tu es sécure face à l'inconnu. Alors, tu vas toujours ton même au bureau de poste, et puis tu as toujours la machine à teindre parce que tu n'as jamais osé parler au gars. T'sais. Tu prends ton teint, puis une journée, tu as 60 ans, tu rentres dans la machine, puis tu es dans le poste, plus de machine. Là, tu t'entends parler au gars, c'est une fille. C'est de l'inconnu. Il y en a beaucoup qui, là, vont tous être fuckés. C'est malgré eux. Mais c'est évident, c'est le cours des événements. Sont collectifs. Ils ont toujours été dans leur cadre. Et on doit briser les cadres. On va dire, par exemple, les personnes âgées. Mais t'es mis dans un cadre, tu les tues. C'est ça, c'est finalement, ce sont les événements qui les amène là. Pourquoi la vie, c'est toujours changeant? Parce que la vie est manipulée par de l'intelligence, donc par de l'esprit. L'intelligence force l'homme aussi à devoir vivre la vie contre lui, parce qu'évidemment, l'humain, s'il choisirait, souvent, il y en a un paquet qui choisirait de rester dans leur maison, dans leur petit cercueil, puis rien voir. Okay? Parce qu'on veut qu'il y ait juste des beaux événements. Mais quand il y a juste des beaux événements, hein, tu te fous de tout le monde, hein, l'être humain, il s'entraide pas quand tout va bien. L'être humain, il s'entraide quand tout va mal. Il faut que l'être humain comprenne à un moment donné des choses. Alors, la vie est orchestrée de façon... Ben, la vie, c'est comment l'intelligence a décidé de l'orchestrer pour que ce soit si tout croche? Ben, elle l'a simplement remis dans les mains d'humains. Ah, c'est pas bon, ça, t'es. C'est un beau gag. Elle dit à lui-même, ben, enrichissez la vie, puis ça va être absolument parfait. Fait que là, il y a des gars, il y a des ci, il y a des ça, il y a tout ce qu'il faut pour que l'humain apprenne quelque chose. Puis l'humain traverse le deuil et s'ennuie. Il y a une deuxième forme d'ennui. Ça, c'est l'ennui émotif, l'ennui de l'âme. L'ennui de la majorité des gens. Rencontrez vos parents ou les personnes, à un moment donné, que peut-être vous connaissez, qui sont dans des centres d'accueil. Demandez-leur pas, « T'en es-tu bien? » S'il est poli, il va répondre, « Non, c'est pas pire. » Parce qu'il veut pas vous... Mais il y a des enfants aussi qui s'ennuient. Il y a des enfants qui s'ennuient aussi, pour la simple raison. Prenons l'exemple d'un enfant nouveau. L'enfant nouveau, c'est un dévoreur de nouveautés. Puis là, ben là, à un moment donné, tu sais, là, calme-toi, là, tu sais, là. Tu vas voir le médecin qui diagnostique une hyperactivité, fait qu'il bourre de pelules pour qu'il soit moins actif, tu sais. Puis là, l'enfant nouveau, ben, il y a une cochonnerie, tu sais. Là, il n'y a plus le goût. Un enfant hyperactif, c'est souvent un enfant santé au niveau de la tête. C'est sûr que physiquement, il ne peut pas encore assumer. Son corps n'est pas assez puissant pour supporter sa recherche. Alors, évidemment, le corps aussi a des problèmes. Mais on ne brime pas le corps pour donner l'apparence de choses correctes. Alors, l'enfant va dans une classe d'école, puis là, il comprend tout de suite. Puis les autres, les gangs, les autres, ils ne comprennent rien. L'enfant fox, il va à la bibliothèque. L'enfant va faire d'autres choses, puis on appelle ça un enfant à problème. Moi, dans mon cas, c'est les autres qui sont des enfants à problème. Puis la structure est faite pour les enfants à problème. On dit qu'il manque d'école pour les enfants à problème. C'est faux, les écoles sont toutes pour les enfants à problème. Il manque d'école pour les enfants normaux. Alors, on prend les enfants normaux, puis on les rend à problème, comme ça, ils deviennent ben, normaux. Les enfants intelligents, puis on les rend normaux, comme tout le monde. C'est beau de voir... Ça prend moins d'école, c'est économique, ça prend moins d'école. Ben, ça prend moins d'école. Il y a aussi un phénomène, c'est que les éducateurs ne sont pas éduqués à pouvoir absorber l'intelligence d'un enfant nouveau. Ça, c'est extrêmement important. L'éducateur veut bien faire ce qu'il veut, mais à un moment donné, l'éducateur, il rentre chez lui, puis en shake. Il n'y a qu'un enfant nouveau dans la classe, l'éducateur, il ne sait plus s'il lâche, s'il continue, s'il change d'école, s'il va maternelle à la place. Sachez une chose, s'il y a des éducateurs ici, si vous avez de la difficulté avec un enfant nouveau, pensez pas à être muté plus bas, il n'en a qu'au plus. Pensez à être muté plus haut, secondaire, au cégep, à l'université, parce qu'il y en a moins. Parce que plus ça naît, plus c'est nouveau. Voilà, en maternelle, ça va être moins pire. Ta barnouche. Toi, avec ton petit jouet en chocolat qu'il donnait, là, il va... Ben, tu romps pas avec... les murs, ils vont les faire. Les papiers sont pas assez grands pour qu'ils puissent expérimenter, puis... exprimer leurs idées. Ça, c'est l'ennui normal chez l'humain. Le désir de sécurité et en même temps l'obligation de l'inconnu, de découvrir quelque chose. Mais c'est petit à petit. Pourquoi un livre des ennuis? Ben, tu es surpris, c'est agréable, tu y vas. Pourquoi un roman policier, un truc d'amour? Ben, c'est du neuf. Oui, mais c'est de l'ennui dans de l'ennui. Oui, quand tu en as vu trop. Mais pourquoi on a inventé ça? Le jeu de cartes, c'est jamais qui va gagner. C'est du neuf. Mais dans la société, tout marche comme ça. Les écoles marchent comme ça. Juste un petit peu. Tout. C'est ça qu'il y a. C'est que toute la structure pour désennuyer l'humain est une structure où tu as un tout petit peu de neuf. Pas plus que ça. Un petit peu plus de neuf. Dans l'espoir. Alors, ça crée un cadre. Et on a tout placé. Vous vous ennuyez, oui. Est-ce que vous avez de la musique chez vous? C'est pas ça qu'il faut qu'on demande. Il faut que les êtres humains se supportent. Avez-vous bien des amis? C'est pas ça qu'il faut demander. Parce que là, c'est qu'on veut donner des trucs qui vont marcher 5, 10, 15 ans après ça. Bon. Vous devriez adopter la zoothérapie. T'avoir un mari, par exemple. T'avoir une femme. Hey, là. Ben, c'est le même phénomène. C'est le même phénomène. Quand tu te trouves un concubin, une concubine, un mari ou une femme, pour te désennuyer, c'est comme quand tu prends un chien, c'est le chien. Ça revient tout au même. C'est le même phénomène. C'est pour te désennuyer. C'est un bouche-trou. Alors, c'est de la zoothérapie. Mais la zoothérapie, elle fait quoi? Elle fait que dans l'apparence, tu n'exprimes plus l'ennui. Mais est-ce que fondamentalement, tu fais ce que pourquoi l'humain est là? Est-ce que tu avances? Tu n'avances plus. Ben, sauf si ton chien est malade, il dit plus. Et si le chien n'a rien engraissé. Mais là, tu apprends des choses. Finalement, il faut se structurer soi-même. Il faut apprendre à se structurer soi-même pour devenir, pour ne pas mourir d'ennui. Vois-tu, l'homme prend quelque chose de neuf et ça le désennuie. À un moment donné, la chose devient plate. Et les enfants nouveaux font ça vite en maudit, tu leur donnes un jouet. Ah, c'est au bout de Noël, le lendemain matin, ils n'en veulent plus, ils l'ont tout passé. Jouet, là. Tu sais, brum brum, fais pas ça toute ma vie, moi, là. C'était le fun à ce soir, mais là. Tu sais, tu amènes un jeu de Lego, ben, les gars, pendant un bout de temps, mais à un moment donné, les jeux de Lego, tu sais, il me faudrait, moi, des roues et moteurs, il me faudrait, je sais pas, moi, achète ce qui est là, ce qui est là, ce qui est là, ce qui est là, parce que rien que ça, moi, du Lego. C'est ça, ça devient du Lego. Oui, c'est un peu trop fort. C'est un jeu de Lego, effectivement, oui. De l'ampe. Alors, donc, l'enfant, c'est pas ça. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'un laboratoire. Puis les parents ont peur quand les enfants ont des laboratoires. Moi, je sais, parce que j'avais un, ma mère, elle avait peur. C'est peut-être... Ça a sauté une fois dure, Marc. C'est ça. À ce moment-là, vous se préparez en conséquence. Oui, c'est toute la structure sociale. Mais pour l'instant, c'est pas grave. Parce que les enfants, présentement, ils souffrent énormément, mais ces enfants-là, ils risquent fortement de tout changer. Puis les parce qu'ils souffrent? Ah oui, les enfants nouveaux, on se demande... Ben, parce qu'ils souffrent, vont tout changer. Oui, parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment intelligents pour comprendre l'intelligence du changement, donc ils vont changer que si émotivement ils sont mal pris, comme l'humain a toujours fait, et ils vont changer parce qu'ils vont être, à un moment donné, suffisamment écœurés d'être écœurés. Alors, on revient donc à la deuxième forme d'ennui. La première forme d'ennui, elle est suffisamment facilement transcendable, donc c'est-à-dire permutable en des ennuis. Si vous comprenez que chaque fois que vous êtes vaché ou que vous tournez en rond dans la maison, c'est que vous manquez juste de connu. Mais on va dire, oui, mais comment aller chercher le connu? Il ne faut pas une immensité de choses pour aller chercher le connu. L'enfant, c'est primordial de l'instruire à lire. Parce que déjà en partant, il y aura un immense palliatif instructif à l'ennui. Parce que les jeux, les jouets, c'est souvent des palliatifs qui ne sont pas instructifs. Ce n'est pas en donnant un revolver ou un tank ou un towing, tu sais, il veut dire, il montre comment les choses sont toujours en panne. C'est le bâti pour la vie. Il y a fait un towing. C'est pas génial. Alors, on doit juste comprendre le phénomène sécurité, puis permuter ça en découverte de quelque chose de neuf. Le neuf, c'est la vie. La vie, on ne s'ennuie pas. La deuxième forme d'ennui, c'est l'ennui que souvent l'enfant nouveau va vivre et que beaucoup de personnes transitives vont vivre. C'est l'ennui mental. L'ennui mental, c'est lorsque un être humain, à un moment donné, ouvre ses yeux. Il voit quelque chose clair. Et puis, il comprend quelque chose. Par exemple, toi, tu as un neveu, donc c'est pas ton enfant. C'est plus facile de le connaître parce que tu le connais pas émotivement comme les parents. Observant ton neveu, tu découvres que c'est maudit, mais il est intelligent. Il a 6 ans, mais ça crapule, il est brillant. Et tu découvres automatiquement que les parents sont toujours au-dessus. Les parents le connaissent émotivement, donc ils ne peuvent pas percevoir l'enfant tel qu'il est, ils vont le percevoir tel que les parents l'ont projeté. Alors, tu vas dire aux parents, ah, mais oui, mais crime, ce qu'il vous a demandé l'autre fois, là, c'était brillant. Là, vous dites, oui, mais on n'a pas eu le temps. Là, toi, tu découvres qu'il n'agissent pas convenablement avec ton neveu. Ça fait de leur faire comprendre, puis les parents ne le comprennent pas. Là, tu vas souffrir d'un ennui mental où le mental, à un moment donné, se ramasse seul. Merde, je sais, puis je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire ou je ne peux pas communiquer. Ça ne se communique pas. J'essaye, ça ne marche pas. D'un coup, tu parles avec l'enfant, puis ça confirme ce que tu sais. Alors là, il faut que tu fasses quelque chose. Ils veulent l'envoyer dans une école spécialisée pour débiles. Ils veulent l'envoyer dans une école où on les rend normaux. Là, tu te vois bien que c'est pas ça que l'enfant a besoin. T'sais? La mère va dire, oui, mais j'y achète des ça, mais c'est pas ça qu'il a besoin, la mère. Ben, il m'en demande tout le temps, mais il t'en demande parce que c'est le seul moyen qu'il a de parler de toi. La mère, elle ne voit pas. Alors toi, tu es là, puis à un moment donné, là, ça devient... C'est le début une des parties de la souffrance mentale de l'homme transitif. Ça devient aussi un ennui mental. Tu comprends, par exemple, que ce que tu fais est bien, puis toute ta famille est contre toi. Tu décides de te lancer dans une entreprise, puis tes parents, si tu veux trouver un job ordinaire, un job stable, etc. comme la mère de celui qui a parti la compagnie McDonald's, hein, la dernière fois qu'elle a été interviewée, on lui a demandé « Que pensez-vous de vos fils? » Elle a répondu « Je suis bien, bien contente. Mais je me sentirais donc bien avant de mourir s'il pourrait vous trouver un emploi. » C'est ça que les journalistes ont ramassé de travers. Ils sont milliardaires. Ils n'ont pas un emploi stable. C'est ça le collectif. Remarque, la mère est collective. Ses enfants ne sont pas comme tout le monde. Elle aimerait mourir s'il y aurait un emploi stable. Ils n'ont pas un emploi stable. Ils sont milliardaires. Pas un emploi stable. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au niveau mental, toi, tu veux soudainement faire quelque chose puis tu n'as personne pour t'appuyer. Alors, évidemment, on va te récupérer en disant que c'est pas normal, tu fais pas ci, tu fais pas ça, etc. T'sais. On veut te récupérer. Tu comprends fondamentalement des choses chez toi, tu ne souffres plus, tu souffres moins, tu arrives à aimer sans haïr, l'amour intelligent de l'homme nouveau. Il y a des choses qui se passent à un moment donné chez toi, puis tu viens pour les communiquer, tu travailles, là, tu vois les employés autour de toi, « Ah, Barneau, je ne peux-tu? » Ça chiale parce que ça a pu le petit bébelle des trombones patachilis. Puis ça chiale à cause que ceci, cela. Ça regarde dehors, puis maudit, il pleut encore, tu sais. Et voyons, donc, il en met-tu de l'énergie pour rien? Là, t'essayes, puis toi, ça te puise un peu parce qu'évidemment, tu t'impliques dans leur vie, moi, c'est l'ennui mental. Alors, tu vois, oui, tu vas aller voir la personne qui se plaint. Ben oui, mais tu sais, il pleut. Après la pluie, beau, t'sais. L'autre, t'en regarde, oui, puis après le beau temps, encore la pluie. Bon. Là, t'es là, bon, ben, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que j'avais pas saisi. Fait qu'à un moment donné, ben, t'essaies de lui expliquer, tu sais, que tu chiales ou non, l'univers continue à tourner. Ben, cesse de chialer. Et garde l'énergie pour toi, au moins, quand il fera beau, t'auras plus de paix. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que là, t'essaies d'expliquer ça, puis l'autre, t'en regarde en te demandant si t'es pas un extraterrestre, tu sais. Voyons, non, il pleut, c'est normal qu'on chiale, qui c'est qui aime ça, la pluie? Ça n'a rien à voir. T'essayes, ça marche pas. On se rassoit sur ton bureau, puis là, tu regardes encore tout le monde agir, puis c'est là que l'être humain se laisse manipuler, celui qui est transitif, il se fait récupérer un peu par les autres, parce qu'il y a un ennui mental. Il aimerait être avec des gens qui pourraient au moins vibratoirement résonner avec lui. Ça crée un ennui mental, et la majorité de ceux qui se conscientisent se ramassent toujours à un moment donné dans un endroit où ils sont à peu près tout seuls. Ta femme te comprend pas, ton homme te comprend pas, tes enfants trouvent que t'es débile, tes parents veulent que tu sortes de la secte, que t'es rentré, même si t'as été de nulle part. Le monde, tes compagnons de travail, tu sais, à un moment donné, ils en ont ras de bol de toi. À ce moment-là, qu'est-ce que l'être transitif ne comprend pas? Qu'est-ce que l'être transitif ne comprend pas? C'est que l'évolution individuelle, ben, ça se fait individuellement. C'est ça qu'il comprend pas. Juste ça. L'être humain collectif se dit, je vais être individuel, on me manipulera plus. On ne décidera pas, le vendeur me dira pas, prenez ces souliers-là, c'est ceux qui se vendent le plus. Tu vas dire, raison de plus pour que j'en prenne pas. Tu sais, tu veux plus être collectif. Ça, c'est l'homme transitif qui passe un stade, l'homme ancien qui devient transitif, qui passe un stade à un moment donné. Moi, je veux des souliers, si tout le monde les porte, je me dérange pas. Si me plaît, c'est si, je veux pas savoir, moi, la cote de vente de ces souliers-là. Je veux savoir si ça me va. Je mets mes pieds dedans, puis j'ai pas les orteils embarqués un sur l'autre. Je peux marcher avec ça. J'ai pas besoin des choses, d'un chausse-pied. T'sais. Ça rentre seul, tu sais, ça fit. J'achète. Bon. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ça, la personne, elle veut être individuelle. Mais la subtilité de l'ego vient la ramasser, donc de l'âme, le collectiviste, la conscience collective, l'astral planétaire, le ciel, vient la ramasser, il lui dit, c'est vrai, tu t'avances individuellement. Puis tu serais mauditement mieux si tout le monde serait comme toi. C'est là que tu te recollectivises. Puis là, tu observes émotivement, puis c'est vrai en sacrableux. Intelligemment, c'est vrai aussi. C'est pour ça que je fais des conférences. Sauf que, c'est ça que j'écris les livres, c'est ça qui m'a fait d'autres choses. Intelligemment, c'est vrai, sauf que tu peux pas forcer des êtres humains à changer sans s'ils comprennent pas le changement. T'en fais des disciples, t'en fais des dogmatisés, mais t'en fais pas des êtres humains. Alors, il faut que tu les laisses libres. Mais l'homme transitif, la femme transitive, souvent ne comprend pas le phénomène. Ah oui, mais pourtant, c'est clair, il devrait comprendre. Et moi, ce que je dis souvent, tu comprends-tu pourquoi il ne comprend pas? La personne me répond non. Mais si tu ne comprends pas ça, lui, il peut ne pas comprendre ça. Tu sais, hein, tu ne comprends pas, puis tu te le permets, mais tu ne le permets pas à l'autre. Parce que moi, je comprends ça, l'autre devrait comprendre ça. ça, l'ennui mental. Alors, celui, comment pallier à ce phénomène? Ben, il faut juste que l'être humain finisse, que l'homme transitif, la femme transitive comprennent que la conscience individuelle, ben, c'est individuellement que tu l'as, que c'est individuellement que tu la vis, puis que c'est individuellement que tu l'exprimes. Et dans les deux, finalement, que ce soit sur le plan mental ou sur le plan égoïque, c'est une vraie perte d'énergie. Ça peut te drainer complètement. Bon, pour ceux peut-être qui n'ont pas encore entendu parler du phénomène énergétique, observez ceci. Vous rencontrez quelqu'un qui fait quelque chose peut-être de pas correct, ou vous voulez lui parler, lui expliquer quelque chose. Alors, vous avez vos mots, tout ça, là, tu sais, vous êtes bien intentionné. Puis là, vous commencez à y parler. Puis la personne, elle vous regarde en voulant dire Fait que là, vous sentez automatiquement là, que ça a mal marché. Le cœur accélère un petit peu, on transpire un petit peu, on bafouille un peu, puis on veut continuer. Là, la personne a dit, ben non, t'es carrément des patates. J'ai le droit de fesser ma femme tant que je veux. Je me suis marié, c'est ma propriété. Alors, tout est là, puis... Ben non, c'est pas ta propriété, t'sais, le langage français est pas bon, c'est pas ta femme, t'sais, ça reste elle. Le bonhomme, veux-tu te mêler? Puis il m'a continué à battre, m'a même donné une fessée pour te prouver que c'est à moi. Là, t'es là, ben si moi, si t'en donnes un, je te plante, j'appelle la police, m'a tué. T'es-tu dans l'état d'esprit que t'as commencé quand t'es venu le voir? Non. Pourquoi? Parce que l'autre t'a drainé ton énergie, t'a siphonné, t'a têté, t'a vampirisé. Et plus ça va, ça plus ça vampire, ça rempire. Bon. Lorsque l'être humain, lorsque la personne s'approche, vu qu'elle a émotivement le désir de parler au bonhomme qui arrête de battre sa femme, parce qu'il comprend que la femme, c'est comme l'homme, c'est l'esprit. Ils ont deux corps différents parce que ça fait des bébés plus forts, mais je sais tout. Bon. Ils ont un système endocrinien différent parce que, justement, pour pouvoir procréer, ce qui fait qu'ils vont exprimer l'esprit d'une façon différente. La femme est plus émotive que l'homme, etc. Bon, OK. Bon. Mais, bonhomme, il voit ça. Il arrive avec une belle intention, il est relax, il est calme, mais quand il est fini, que le gars, il rentre chez lui, puis il claque la porte, puis il veut tout casser. Là, si tu lui demandes, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Toi, ferme-la! Il est rendu comme l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une conscience, une consistance mentale relativement énergisée. Et là, il va parler à l'autre, puis là, l'autre commence à gueuler. Là, son ego se sent attaqué. L'ego, quand il se sent attaqué, il ramasse ses forces. Il est prend dans le corps vital. Automatiquement, le corps physique se sent en état d'alerte, il manque de vie. Alors, le cœur accélère, il se passe un paquet de choses comme si le corps vivait un état de choc. C'est là qu'on appelle ça exprimer son émotion. Mais quand tu exprimes ton émotion, tu brûles un peu ton corps. Bon. Alors là, l'ego siphonne aussi au niveau du mental, il a besoin de l'énergie. Alors, si tu fais au niveau du mental, toi, tu baisses en vibration, tu perds carrément la conscience. Pourquoi t'allais voir le gars? C'est pour l'instruire. Pas avoir raison chez lui. Là, vu que t'as baissé, ben là, tu vois plus, toi non plus. Là, c'est rien que de l'ego. Là, c'est une guerre d'ego. Certains appellent ça des combats d'intelligence. Je le répète, c'est pas intelligent. C'est une guerre d'ego. Là, automatiquement, là, tu ramènes ton ego pour avoir raison. L'autre, il siphonne encore, tu baisses encore en vibration. Lentement, tu t'en vas. C'est ça le phénomène énergétique. Quand je parle d'énergie, c'est pas juste. Philosophique, là. C'est une mécanicité qu'on peut voir. Lorsque l'être transitif, lorsque l'homme nouveau est capable d'être suffisamment mental, il sait pourquoi il va le faire. Il va voir le gars, il le regarde, « Veux-tu te mêler de tes astuces d'affaires? » Fait que le gars, s'il a suffisamment d'énergie, il va être capable de toute façon de faire quelque chose. Mais normalement, un être intelligent n'ira pas voir le bonhomme, il va aller voir la femme. Moi, j'ai ramassé, là, lorsque je travaillais pour Urgence Santé, souvent des femmes qui se faisaient battre. Non, pardon, je ramassais des hommes qui battaient les femmes. Parce que le pauvre vieillard, puis, tu sais, il s'était coupé le poignet en tapant sa femme, il avait cassé un carré de la tête en arrière. À un moment donné, la femme était tombée plus vite, puis s'était défaite le poignet dans le mur. Puis des choses comme ça. Alors, on allait chercher le bonhomme, puis la femme était à côté, était à plat, mon puis tout pauvre, chéri, puis tout ça. Là, on vous demandait à la femme, est-ce que vous voulez porter plainte? Le gars la regarde avec l'autre mêlée et qui se perd. La femme, elle ne veut pas porter plainte. T'sais. Elle l'aime. Mais c'est pas à l'homme, c'est surtout à la femme. Dans ces cas-là, souvent, tu parles à personne. Ils sont pas prêts. La souffrance mentale, elle va finir par être omnibulée. C'est-à-dire que l'homme nouveau, l'homme transitif, va arriver à pouvoir l'éliminer lorsqu'il va comprendre que c'est individuel que tout se fait. Alors, tu as des relations avec l'extérieur. Mais ce qui se passe chez toi, n'étant pas prouvable à personne, tu glisses des mots. De toute façon, on va revenir lors de la deuxième partie pour expliquer un peu plus comment transcender et le premier ennui et l'ennui mental, donc les deux phénomènes de l'ennui. Ils sont lors d'une pause. Alors, on va le transcender. Une chose, c'est qu'il y a des personnes qui, tout à l'heure, m'ont demandé pourquoi il y avait des numéros dans le livre. J'avais annoncé à la radio que les 500 premiers exemplaires étaient pour être dédicacés et numérotés. Alors, évidemment, il n'y aura pas de numérotage par la suite. Alors, c'est pour ça les numéros, alors celui que ça inquiète pas. C'est juste ça. C'est pas le prix. Parce que plus ça va, plus ça monte. Alors, on en était au mécanisme de l'ennui mental de l'homme transitif. Parce que l'humain n'a pas de support pour être capable de supporter ce que lui n'arrive pas à supporter, il s'ennuie. Lorsque l'humain n'arrive pas à se supporter, il veut donc être supporté par l'extérieur, les autres ou les objets. Et si l'extérieur ne peut pas le supporter, là, il s'ennuie. Que ce soit au niveau de l'ego, que ce soit au niveau du mental, c'est le même phénomène. Lorsque le mental... Le problème de l'homme transitif, de l'homme nouveau ne s'ennuie plus. Il a résolu le problème. Mais le problème de l'homme transitif, c'est qu'il découvre à un moment donné que par la parole, il apprend, il s'instruit, il s'enseigne. Il devient son seul maître. Mais le problème, c'est qu'égoïquement, il sait très bien que parler à personne, c'est apparemment passer pour un fou. Déjà que quand il parle et qu'on l'écoute, on le traite de fou. Si en plus, on l'entend parler quand personne l'écoute, ça va être fait. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, l'humain veut partager, veut communiquer ses choses, les choses qu'il ne peut pas supporter sur ses épaules tout seul, il veut les partager. C'est l'ennui mental qui donc apparaît. Parce qu'au niveau de la phase transitive, c'est que lorsque l'esprit vient chercher sa parcelle terrestre, lorsque votre esprit vient vous toucher, bien évidemment, un autre ne peut pas comprendre ce que vous vivez. Sauf si l'autre est touché par son esprit. Parce qu'il faut bien comprendre que l'être humain est intellectuant, l'homme normal, l'homme ancien. Étant intellectuant, il ne peut expliquer le présent qu'à partir du passé. Il ne peut expliquer le présent qu'à partir de ce qu'il connaît. Alors, lorsque vous amenez quelque chose de nouveau, il ne connaît pas ça. Alors, vouloir qu'il comprenne, il ne peut pas le comprendre. Il pourra accepter, comme souvent on va dire. « Ah oui, mais je te comprends. Mais il faut que tu changes. » Bon, il va dire « Bon, je comprends que tu boives, mais il faut que tu changes. Tu ne comprends pas. Bon, je comprends que tu veux lâcher l'école, mais il faut que tu comprennes qu'il faut que tu continues. » Je ne comprends pas. Alors, l'homme ancien ne peut pas comprendre les choses neuves. La psychologie moderne aujourd'hui, elle ne peut pas arriver à comprendre les jeunes ou à comprendre les personnes qui transitent. Pourquoi? Parce que Freud ne transitait pas. Et comme on veut encore expliquer l'humain, comment l'humain fonctionne à partir de la théorie de l'Antiquité, bien évidemment, on ne peut pas comprendre l'humain. On explique encore à partir de l'archétype, mais on ne connaît même pas les néotypes. Alors, ça ne fonctionne plus. Lorsqu'un être transite, et vous savez que l'homme transitif, la femme transitive n'est pas transitive lorsque tout va bien. C'est l'homme nouveau. Mais à un moment donné, la personne, elle est ancienne dans cela, nouvelle dans ceci, transitoire là-dedans. Et la personne, elle est, moi j'appelle ça un être transitif, lorsque la majorité de ce qui est en transit n'est pas suffisamment avancé, ou lorsque la majorité de ce qui la constitue n'est pas en transition. L'homme ancien, c'est évidemment la personne qui n'a absolument rien à voir avec le personnage transitif. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes anciens. On parle de l'homme ancien lorsqu'on parle de l'homme collectif. Il y a beaucoup d'êtres transitifs qui sont des hommes anciens quand ils sont en gang. Mais être un homme ancien, ce n'est pas une maladie. À l'instant où l'être humain est tout seul chez lui, tu peux y parler. Souvent, il y a des connotations de personnes transitives. L'homme nouveau, c'est celui qui se pose des questions nouvelles. Et qui, par malheur, y répond. Ça, évidemment, ça frustre l'homme ancien parce qu'il se pose des questions anciennes puis il n'arrive pas à y répondre. Pour avoir des réponses à ces vieilles questions, il doit lire les livres traditionnels qui donnent des vieilles réponses. Comme l'ego, comme l'âme n'évolue pas, bien évidemment, les livres écrits pour l'âme il y a 2000 ans sont toujours d'actualité. C'est évident, l'âme n'a pas changé. Les livres écrits il y a 3, 4, 5 000 ans sont toujours d'actualité. C'est normal, l'âme n'a pas changé. L'homme s'améliore. L'homme évolue. Pas l'âme. L'homme. L'âme est toujours insatisfaite. L'âme parle toujours d'amour et crée la guerre. L'homme parle toujours de paix et reste heureux. L'âme, ça n'évolue pas. L'âme, ça mémorise. C'est archétypé. Ça reste comme que c'est. Et ça accumule de la mémoire, créant de l'expérience. Cette expérience, un peu orchestrée, c'est la connaissance de l'homme ancien. Mais cette connaissance, c'est la limite de son ignorance. Lorsque l'être ancien se pose des vieilles questions, essaie d'y répondre par la bouche de ceux qui ont déjà répondu, il n'est jamais satisfait parce qu'il ne peut pas expliquer le présent à partir du passé. L'être transitif, c'est celui qui, dans certains moments donnés, dans certains schémas de sa psychologie, arrive à poser des questions neuves. Et ne veut plus nécessairement... Ah, il peut respecter les réponses de la tradition, mais il ne les considère pas comme étant justes et vraies pour lui parce qu'elles ont été justes et vraies v'là 2, 3, 4, 5 ou 6 000 ans. Parce que c'était adressé à des hommes de cette époque. L'homme nouveau respecte et parce qu'il comprend. Mais il comprend. Il ne fait pas que juste ça. Il comprend. L'ennui psychologique, l'ennui de l'homme normal, l'ennui de l'âme, de l'homme psychologique, c'est qu'il est sécure et qu'il veut rester dans sa sécurité. Et s'il n'aurait pas le maudit problème de vouloir évoluer, il ne s'ennuierait jamais. Il serait bien, mais il resterait de la terre. Et parce que l'être humain n'est pas de la terre, il y a quelque chose chez lui qui le rappelle toujours à découvrir du neuf. Ne reste pas sécure dans ton petit monde, dans ton microcosme, parce que jamais tu ne pourras englober le macrocosme, le tout. Alors, automatiquement, il y a quelque chose chez l'humain qui l'oblige à devoir se mettre en action, à devoir bouger. Et la lutte entre les deux crée l'ennui. Je suis bien, j'ai tout, je devrais être heureux. Tu ne seras pas heureux parce que tu as besoin de neuf. Le neuf, c'est la vie. On n'est jamais heureux dans la mort. Alors, tu ne peux pas être heureux. J'ai tout. J'ai un chien, une femme, des enfants ou un mari. J'ai une bonne job, j'ai de l'argent en banque, j'ai un chalet, deux bateaux, un avion. Puis je suis... C'est ça. T'as besoin de neuf. T'as besoin d'une faillite. T'as besoin d'un enfant qui va se droguer. T'as besoin de neuf. La vie va te le donner. L'ennui. L'ennui mental, je comprends. Et pourquoi les autres ne comprennent pas? Pourquoi ça ne change pas? L'ennui mental. Solution, comprendre, vibrer, cellulariser que l'évolution individuelle, ça se fait seul. C'est pas souffrant. Moi, j'ai plusieurs de mes amis qui sont des êtres transitifs, relativement avancés. Et ils vivent seuls, pareil. Dans leur évolution, dans leur conscience. Mais quand on joue ping-pong, on joue au minimum à deux. Alors, on continue à fonctionner ensemble, à avoir des relations d'humains. Mais quand lui ne comprend pas ce que moi je dis, ben lui ne comprend pas ce que je dis, puis on s'en fout, puis on continue à jouer au ping-pong. Puis quand lui comprend, ben lui comprend. Puis quand lui comprend des choses que moi, j'arrive pas à le suivre, ben on s'en fout aussi. Puis quand moi, je dis une chose, puis que deux semaines après, je dis carrément l'inverse, l'autre, il s'en balance. On doit dire ce qu'on veut. Alors, je reste individuel, je reste dans mon intelligence et je vois à partir de mon point de vue sans nécessairement obliger tout le monde à voir de mon point de vue. Et je parle. Les autres ne sont pas conférenciers parce que ce n'est pas leur fonction. Certains enseignent le PMC, certains s'occupent de leur famille à la place. Certains sont médecins et s'occupent de leurs patients. Certains sont psychologues et s'occupent de leurs patients. Etc. L'ennui, la lutte. L'incompréhension de la sécurité par rapport à la découverte du neuf. Donnez-vous le luxe d'une chose neuve par jour. Vous allez changer vite en maudit. Aussi vite que l'enfant en dedans de 15 ans part du bébé qui ne sait même pas marcher et il arrive à l'adolescent qui peut procréer. Des maudits changements en 15 ans. Et l'adulte, lui, le reste du temps ne changera jamais autant. Pourquoi? Parce que plus il cristallise ses mémoires, évidemment, moins il veut bouger. On passe aux questions. En passant pour le livre numéro 28, c'est réglé. Je me demande le véritable rôle de l'animateur. Il me semble inutile pour une amélioration de la conférence. Est-ce pas? La conférence est-elle préparée? Les questions me semblent préparées à l'avance. Elles devraient plutôt être un complément. Bon, je pourrais te laisser répondre. Remarque que c'est toi qui es le... Bon, les conférences ne sont pas préparées parce qu'évidemment, on n'aurait pas le temps. Et puis, les questions, ça le regarde. Une chose certaine, c'est que Le rôle de... Parce que dans mon cas, moi, évidemment, quand je suis interviewé ailleurs, ceux qui me connaissent me disent toujours, tiens, prends le micro, va-t'en, je vais aller aux toilettes. Je commence la conférence, je la finis avant qu'ils reviennent. Bon. Maintenant, le rôle de l'intervieweur, ce n'est pas d'animer. Le rôle de l'intervieweur, il est surtout un rôle dans ceux qui m'ont déjà interviewé, c'était des personnages qui avaient comme fonction, de s'occuper de percevoir ce que la salle, de percevoir l'énergie, le feeling, c'est le terme, l'énergie de l'assistance, pour de temps en temps, si j'amène des choses trop hautes, ou si je dis des choses qui ne sont peut-être pas assez élaborées, ben pouvoir m'arrêter et pouvoir replacer les choses. Alors évidemment, le rôle de l'intervieweur, ce n'est pas de m'interviewer. Et ce n'est donc pas d'animer non plus, je m'en occupe. C'est plus constaté. Alors souvent avec les intervieweurs, ça arrivait que j'arrêtais puis je leur disais, bon, ben, si tu dois avoir une question, je te vois les babines aller. Quel que soit l'intervieweur, ben, effectivement, à un moment donné, il y en a, mais son rôle n'est pas de m'interviewer. Dans le début, on avait un intervieweur, justement, qui à tout bout de champ me coupait. Et c'était pas les commentaires du monde, il est fatigant, vous pourriez pas l'éliminer. Il passe son temps à arrêter Daniel quand Daniel commence à dire des choses. Alors là, venez pas vous plaindre que le gars m'arrête pas et qu'il dit rien. Les questions préparées ou non, ça, non, je ne croirais pas. Certaines questions sont préparées comme support, encore que je serais plate, parce qu'évidemment, les intervieweurs ont toujours un petit peu de stress lorsqu'ils m'interviewent, parce que lorsqu'on arrive au début de la soirée, ils me demandent alors de, puis comment tu veux, moi je réponds, j'ai aucune idée, on verra en avant. Alors l'intervieweur, l'ego est un petit peu insécure, il place quelques questions au cas qu'à un moment donné, j'aurais plus rien à dire, pour pouvoir me relancer. Ces questions, ben, il est dans ses poches. De ma petite entente, je fais plaisir. Alors, dans le cas de Daniel... T'es très généreux. Alors, dans le cas de Daniel, ben, c'est ça. Il est là simplement pour pouvoir percevoir le pouls de l'assistance pendant que, au cas que je décollerais. Alors, ça a une utilité relativement intéressante. Et puis, si, à un moment donné, là, je te lance des briques. Si, à un moment donné, j'ai une auditoire qui est plate, ben, je peux jaser avec lui. C'est plus fun. Là, c'est à eux autres, je lance des briques. Alors qu'il y a un autre intérêt au niveau de l'animateur, c'est simplement de pouvoir jauger. À un moment donné, si on dit des choses qui ne sont pas assez expliquées, etc., eh bien, lui va donc me demander d'expliquer un peu plus. Pour celui qui comprend, ça peut être un peu plate. Il va dire qu'est-ce qu'il fait là. Il va dire, tu sais, il vient d'expliquer. Mais c'est son rôle. Et il le fait très bien. Puis c'est extrêmement important. Dans les conférences spéciales, de temps en temps, je n'ai pas d'intervieweur ou d'animateur parce que, bon, le public est suffisamment, disons, averti. Ils connaissent assez. Mais dans les conférences régulières, c'est préférable d'être ajusté. Comme quand je vais aller à l'extérieur, je serai ajusté aussi. Ou je serai extrêmement bas, donc extrêmement plate pour des personnes qui sont un petit peu averties. J'ai toujours pensé que l'âme, c'était quelque chose de grand. Ah oui, c'est grand! Oh! Elle nous suit dans toutes nos vies. C'est officiel. C'est elle qu'on a en mémoire. Qui a en mémoire notre vécu. Ben oui. C'est bien écrit. J'ai de la difficulté à comprendre la différence avec l'esprit et le mental. S'il vous plaît, m'expliquez, car... Alors, je vais expliquer. Ouais. Bon, quand on veut savoir la différence entre eux, ben, on achète le livre La différence. Bon... Ça fait toute la différence. Wow, correct, correct. Poussons pas, ils vont penser qu'on va. Bon. J'ai toujours pensé que l'âme, c'était quelque chose de grand et d'important. L'âme, c'est quelque chose de grand. L'âme, c'est quelque chose d'important. Et l'âme, c'est en plus quelque chose d'utile. Parce qu'une chose importante n'est pas nécessairement utile. Mais l'âme, en plus, c'est utile. Sans l'âme, il n'y a pas d'évolution. L'âme, c'est majeur dans l'évolution. C'est essentiel, c'est sine qua non. Pas d'âme, pas d'homme, pas d'homme, rien. Le problème qu'il y a, c'est que l'âme, c'est l'échafaud. Lorsqu'on bâtit un édifice, on met un échafaud, parce que sans l'échafaud, on n'arrive pas à monter les briques. Lorsque l'édifice est fini, il faut ôter l'échafaud. Parce que sinon, on ne voit pas l'édifice, on voit juste l'échafaud. Puis quand l'échafaud se prend pour l'édifice, c'est là que les problèmes commencent. Alors, on peinture l'édifice, l'échafaud est jaloux. Alors, l'échafaud ne veut pas marcher comme ça. On chauffe l'édifice, l'échafaud reste dehors. L'âme, c'est l'échafaud. l'esprit, c'est la bâtisse. C'est l'homme réel. Pas d'échafaud, pas de bâtisse. Mais l'échafaud est là temporairement. C'est donc grand, c'est donc important, c'est donc utile. Elle nous suit dans toutes nos vies. Plus ou moins, enfin, d'une façon plus... peut-être pas comme on a toujours instruit ou enseigné. J'ai fait différentes conférences sur la réincarnation pour expliquer un peu ce genre de choses. Puis je vais aussi en refaire à un moment donné. Donc, oui, et disons, peut-être pas nécessairement comme on l'a toujours enseigné. C'est elle qui a en mémoire notre vécu. Oui, effectivement, l'âme, c'est de la mémoire. J'ai de la difficulté à comprendre la différence entre l'esprit et le mental. Donc, l'âme essentielle. Prenons l'exemple du vaudou. Le vaudou, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'art, une magie, une sorcellerie, qui peut aussi une religion. Une magie noire. Donc, ce ne sont pas des mages qui font du vaudou, ce sont des sorciers. Sorciers sont l'apanage de la magie noire et non pas de la magie blanche, comme Merlin, par exemple, qui est un mage. Et le vaudou, qu'est-ce qu'il a? C'est qu'à part un rituel relativement intéressant, relié au monde des morts, il a la faculté d'aller puiser l'âme à l'intérieur d'un corps vivant sans puiser le corps vital du corps de l'homme. Donc, ça devient un mort vivant, c'est-à-dire que c'est un corps physique qui a toujours un corps vital, donc toujours la vie, mais qui n'a plus d'âme, donc plus de désir ou d'émotion propre. Alors, il peut facilement être manipulé par quelqu'un de l'extérieur, normalement, le sorcier. C'est donc un mort vivant. Alors, quelqu'un à qui on ôte l'âme n'est pas un connecté, n'est pas un être nouveau. C'est un animal nouveau. Celui qui a de l'âme finit par exprimer son âme, c'est l'orgueil de devenir humble. Lorsque l'on dit ne pas faire sa volonté, mais faire celle du Père, c'est faire celle de celui qui a engendré l'âme, l'esprit. Mais l'humain fait la volonté de son âme, la volonté de son ego, de l'orgueil. Lorsque l'humain devient anégoïque, lorsque l'humain s'anégoïse, lorsque l'humain devient humble, lorsque l'humain perd de l'ego, et qu'il a eu suffisamment d'âme pour pouvoir engendrer le mental, lorsqu'il perd de l'ego, le mental descend prendre la place de l'âme. L'âme va constituer ce qu'on appelle le double éthérique, c'est-à-dire que l'âme va être, la personnalité de l'âme va rester intrinsèque dans le monde des vivants, mais le plan moronciel, on va de toute façon venir à un moment donné sur ces sujets-là. Et le mental s'effondrant dans l'homme, l'homme devient un être humain qui a des sentiments, mais qui n'a plus d'émotions. Alors, ça devient un homme nouveau, un homme qui est capable d'apprécier une fleur, de vibrer avec la fleur. Et lorsqu'il regarde ailleurs, il n'a plus le souvenir émotif de la fleur. Alors, lorsque l'homme a un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, il est capable de fonctionner avec un amour intelligent. Il ne peut pas en aimer un plus que l'autre. Il a des sentiments, donc il apprend à vibrer avec tout ce qui est. Mais l'émotion, c'est lorsque la mémoire de l'âme perçoit le sentiment, trouve beau le sentiment et décide de revivre le sentiment. Ça devient de l'émotion. On tue le sentiment et là, ça devient de l'émotion. Et l'émotion, qu'est-ce qu'il engendre comme phénomène? C'est qu'on finit par vouloir revivre le même sentiment, mais pas l'autre. L'autre, c'est neuf, c'est inconnu. On veut celui-là. Ça crée l'amour psychologique, l'amour sélectif. J'aime un tel, mais j'aime pas sa face à lui. Ouais, mais tu le connais pas, lui. C'est pas grave, je veux pas le connaître. Rien de neuf. Alors ça, c'est le phénomène du sentiment et le phénomène de l'émotion. L'homme nouveau a des sentiments. L'homme nouveau est capable d'aimer comme jamais un humain a aimé. Mais l'homme nouveau ne peut pas haïr. Pourquoi? Parce qu'il aime. Mais il aime d'un amour qu'il n'aime pas. Donc, il aime d'un amour qui n'est pas sélectif. L'amour ne dit pas, tiens, on va me plugger celui, tu vas l'aimer. Elle, non. Elle, oui. Fait qu'elle, tu l'aimes pas. Ce n'est pas un amour sélectif. Comme l'homme ancien a un amour sélectif. Comme l'homme transitif a encore un amour sélectif. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est quelque chose qui n'est pas généré par l'homme. Donc, l'homme ne peut pas créer. L'homme peut l'exprimer, mais l'homme ne peut pas l'engendrer. L'esprit n'apparaît pas avec l'expérience. L'humain qui est extrêmement expérimenté dans l'évolution peut devenir un sage. Mais il n'exprime pas l'esprit, parce que l'esprit, ça s'exprime ou ça ne s'exprime pas, mais ça ne s'exprime pas lorsqu'on a de l'expérience. Un vieux prêtre expérimenté peut exprimer moins d'esprit qu'un jeune prêtre qui n'est même pas encore reconnu prêtre. Ça n'a rien à voir avec l'expérience. Une personne âgée peut soudainement être capable de parler de l'esprit, tandis qu'un théologien très jeune qui sort de l'université ne connaît rien de l'esprit. Il connaît la tradition de l'esprit, mais il ne connaît pas l'esprit. Lorsque l'esprit apparaît chez l'humain, ça devient un savoir instantané. Les apôtres, à un moment donné, demandaient aux Nazaréens, « Oui, on s'en va, qu'est-ce qu'on va lui dire? » Vous verrez, vous saurez quoi dire en temps et lieu. Ben oui, il y avait le contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est de l'Esprit Saint, c'est de l'Esprit pur, de l'Esprit non émotif, non coloré, de l'Esprit non anégoïsé, de l'Esprit non orgueilleux. C'est du supramental, c'est de l'Esprit. C'est du savoir instantané. Allez-vous-en, vous saurez quoi dire en temps et lieu. Ayez foi, autrement dit, cessez de gueuler vos égaux. À un moment donné, l'Esprit va passer et vous allez parler. Cassez-vous pas la tête. Les autres vont se la casser à vous entendre parler. Cassez-la-vous pas pour pouvoir parler. L'âme, c'est la mémoire, c'est génial, c'est merveilleux, c'est relié au monde des morts. Et lorsque l'âme meurt, l'âme s'en va dans le monde des morts, donc dans le ciel. Mais pas l'esprit. L'esprit ne va pas dans le ciel. Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, Dieu a créé le ciel en même temps que la terre. Et une partie de Dieu était placée là-dedans. Il y a l'esprit là-dedans, mais l'esprit n'est pas généré par le monde de la mort, par le ciel. L'âme vit dans le ciel. L'âme, oui. Mais pas l'esprit. L'esprit n'est pas relié dans le ciel. L'esprit est partout. Pas l'âme. L'âme, c'est la mémoire. C'est dans un monde mémoriel, le ciel. Le monde de la mort. L'esprit, c'est quelque chose qui ne s'expérimente pas, mais qui s'exprime. Alors, vous ne pouvez pas, à un moment donné, avoir de l'esprit et dire, tiens, j'ai de l'esprit. Parce que c'est l'ego qui expérimente. Alors, si vous avez un âme, si vous avez de l'ego, de l'astral, l'astral ne peut pas recevoir de l'esprit. Donc, l'astral, votre ego, ne peut pas dire, tiens, j'ai de l'esprit. Elle ne peut pas. Ou vous avez de l'esprit et vous êtes, ou vous n'en avez pas et vous voulez en avoir. Vous voulez être. Le mental, c'est quoi? Le mental, c'est simplement la structure coordonnée logique de toutes les mémoires de l'âme sans l'émotion de l'âme. Le mental, c'est quoi? C'est le mental, il est évidemment relié aux mémoires. Le mental, il est régi par la mémoire. Votre mental est d'autant plus efficace que vous pouvez accumuler de la mémoire. Sauf que lorsque vous voyez quelque chose qui vous a fait peur, alors vous êtes capable de vous en rappeler, de voir le danger, mais vous n'avez pas peur de le voir. C'est mental. Alors maintenant que vous le voyez, vous êtes capable donc d'agir en fonction d'une efficacité et de contourner. Vous devenez conséquentiel parce que vous n'êtes pas émotif. Lorsque le médecin arrive dans la rue pour travailler sur un blessé, il est mental, il n'est pas émotif. Parce que s'il est émotif, il ne peut plus rien faire. Lorsque le médecin vient pour travailler et c'est quelqu'un de sa famille, bien, s'il n'a pas un mental suffisamment avancé, s'il n'a pas une mémoire d'intervention suffisamment puissante au niveau mental, alors le médecin ne peut pas travailler. Un confrère doit venir. Pourquoi? Parce que l'émotion prend le dessus. Le médecin ne peut plus. L'esprit, ça n'a rien à voir avec le mental, sauf que l'esprit, c'est de l'énergie qui, dans le plus bas des plans, porte le nom ésotérique d'énergie supramentale, donc au-delà du mental. Et un être humain qui a suffisamment de mental, d'énergie mentale, donc est capable de ne pas avoir trop d'émotions, lorsque l'être humain entre en contact avec de l'esprit, il y a un mécanisme fusionnel qui s'opère et ça crée quelque chose qui va ajuster le contact de l'esprit avec le mental de l'homme. Il y a un mot pour qu'on puisse communiquer, ça s'appelle ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, il a la faculté d'obliger d'obliger le mental à fouiller dans la mémoire pour rechercher des mots. Et lorsque l'esprit fait juste descendre pour que l'homme ne pense pas ce que l'esprit lui amène, parce que lorsque l'homme pense, l'homme est émotif. Parce que l'homme est émotif et que l'esprit, disons Dieu, veut communiquer avec l'homme et que l'homme est émotif, l'homme va dire, non, telle affaire, ça se peut pas. Ça se peut pas que Dieu veuille que les enfants naissent handicapés, ça se peut pas. Il y a de l'émotion, alors coupe Dieu. C'est bon, c'est simple. Ça se peut pas que Dieu aime les Noirs. Moi, je les haïs. Et ça est émotif. Alors, l'esprit ne va jamais chercher l'ego de l'homme parce que ça ferait des Adolf Hitler à tout bout de champ. Adolf Hitler était possédé par Lucifer, c'est autre chose. Lorsque l'esprit descend chez l'homme, il descend au niveau du mental, là où il y a la faculté de ramener la mémoire sans l'émotion. Alors, qu'est-ce que l'ajusteur de pensée fait? L'ajusteur de pensée fait simplement mettre de la parole. La parole ajuste la pensée. Alors, lorsque l'être humain se pose une question, qu'est-ce que c'est telle chose? Il faut qu'il parle. S'il se met à parler, il va dire, ben, telle chose est quelque chose que je ne sais pas. Mais si je voudrais le savoir, je dirais simplement que telle chose est ceci. L'ajusteur de pensée commence à pouvoir entrer en fonction parce que la personne parle et elle va simplement mettre les mots. Et la personne va parler rapidement. Pourquoi? Parce que l'énergie descendant rapidement, l'ajusteur met les mots. Les bons mots. Une personne qui a un ajusteur de pensée, donc qui est relié de l'esprit, ne dit jamais, c'est, comment on pourrait dire ça? C'est une patate, comme on dit. Ben, il est relié à la conscience collective de l'âme. Il cherche des mots. Parce qu'il faut y dans ses mémoires. Moi, à un moment donné, j'invente les mots. Et les mots sont typiquement français. Pourquoi? Ben, c'est l'ajusteur de pensée qui fonctionne. Mais l'ajusteur, je l'ai digéré, je l'ai fusionné, donc j'ai pas d'ajusteur. J'imagine maintenant. Parce que, tu sais, on reste pas plugué tout le temps. À un moment donné, on l'assimile. Alors, l'ajusteur de pensée, donc, c'est le premier palier qui permet à l'esprit d'être ajusté au mental. Et l'ajusteur psychologique, l'intellect, ajuste le mental à l'âme, à l'ego. Ça devrait répondre à la question. Deux âmes complémentaires ou âmes sœurs, plan physique, intellectuel, psychique et spirituel, se reconnaissent-elles nécessairement en même temps? Et quelle est votre définition des âmes complémentaires? Si une a reconnu l'autre, combien de temps avant que l'autre la reconnaisse aussi? Bon, ça va être extrêmement frustrant, mais une chose extrêmement importante de comprendre, c'est que si un jour vous rencontrez une âme sœur, sacrez votre camp. L'âme sœur est un des phénomènes de la conscience collective qui oblige et qui récupère souvent l'humain qui devient individuel pour le placer en collectivité avec un autre. L'âme sœur veut dire qu'on va être tellement pareil qu'on va vivre la même chose. On va toujours être d'accord. On s'ennuie à deux plutôt qu'à un. C'est ça que ça veut dire. L'âme sœur est quelque chose de tellement pareil que ça devient réellement plate. C'est quoi l'âme sœur? C'est une réincarnation fusionnée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain, lorsqu'il se réincarne, ne se réincarne pas nécessairement dans un corps. L'entité qui se réincarne peut se réincarner dans deux, trois corps. Et ça, la religion connaissant ce phénomène, elle a évidemment parlé de l'âme sœur. La conscience collective récupérant tout ce qui est dit à un moment donné et s'en servant pour récupérer les individus qui veulent se libérer, alors évidemment, elle finit par envoyer l'idée ésotérique ou occulte, que l'âme sœur, c'est quelque chose que vous devez rechercher. Vous devez retrouver votre âme sœur. Faites-vous-en pas dans le monde des morts, vous allez vous fusionner à elle. Cherchez-la pas dans le plan planétaire. Trouvez justement des âmes antagonistes, parce que là, vous allez avoir de l'expérience. Là, vous allez pouvoir vivre des choses, et expérimentant des choses, votre ego va souffrir à un point tel qu'à un moment donné, il va s'en remettre au plan mental. Le plan mental va rendre les choses plus faciles, va vous rendre plus efficace, donc il va pouvoir se développer. Se développant, il amène automatiquement l'homme au contact avec son esprit. L'être humain ne souffre pas sa planète parce que ça fait rire Dieu au bout de le voir souffrir. L'être humain, il souffre sa planète parce que souffrant sa planète, il est obligé de réfléchir. Étant obligé de réfléchir, il développe son plan mental. Développant son plan mental, il se dirige vers le contact avec son esprit. Lorsque le contact est opéré avec l'esprit, ce qui maintenant le faisait souffrir, l'âme doit maintenant être supramentalisée, donc doit disparaître en tant qu'âme. Pour devenir de l'esprit en tant qu'âme, ça doit disparaître. Exactement comme l'enfant, en tant qu'enfant, disparaît, il devient adolescent. En tant qu'adolescent, il disparaît, il devient adulte. Il n'a pas le choix. La graine que l'on plante dans le sol doit disparaître, parce que sinon, il n'y aura jamais rien d'autre. Mais si la graine s'identifie à tout au complet, par l'arbre au complet, la graine, il n'y aura jamais d'arbre. Elle va rien que s'imaginer qu'il y a un arbre. Elle va se dire, moi, je suis un arbre en potentiel. Hein? On est tous des dieux en potentiel. Oui, mais restons des dieux en potentiel. Restons des arbres en potentiel. Et à un moment donné, on pourrir en potentiel dans la terre. Un jour, on bâtira une maison dessus, ils vont dire que c'est un désert. Personne ne va savoir que c'est plein bourré de dieux en potentiel là-dedans. D'arbres en potentiel. Alors, il faut évidemment que ça meure, qu'il se passe quelque chose. Mais ça meurt pas, c'est transmué, mais dans l'apparence, ça meurt. L'âme fait le même phénomène. Les personnes âgées et malades qui ne peuvent aller à la recherche du renouveau, comment font-ils pour ne pas s'ennuyer? Ben ça, il faudrait évidemment demander à ces personnes-là comment ils font pour s'ennuyer, comme ça on pourrait le savoir pas mal précisément. Maintenant, comment faire pour qu'ils ne s'ennuient pas? Comment leur amener du nouveau s'ils ne peuvent pas partir à la recherche du nouveau? Il y a évidemment les livres, il y a évidemment les cassettes, il y a évidemment les visites des personnes. Mais pas les visites, ouais, comment ça marche? C'est beau aujourd'hui, hein? Faut chipper, ouais, t'as-tu bien rosé, toi? Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? C'est le même menu qui se répète tous les deux semaines. Fait que demande-moi, tu sais, c'est pas ça qu'il faut amener, là. Alors on va dire, oui, mais là, tu viens et tu y parles. Ah oui, j'ai été voir une maudite belle vue, c'est ça. Fait que l'autre, il est là, puis il gratte. Fait, l'autre, il vient tout y compter ce qu'il fait, puis lui, il est pogné dans son lit. Amener du nouveau, c'est amener quelque chose à l'humain. Faites-les réfléchir. Ça fait peur, ça fait mal de réfléchir. C'est ça, le neuf. La vie, elle vous amène tout ce qu'il faut pour réfléchir. Vous voulez pas réfléchir, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, vous allez finir par vouloir arrêter. Vous allez vous demander pourquoi. Vous allez vouloir trouver des moyens, vous allez réfléchir. Réfléchir, c'est quoi? C'est lentement obliger le développement du plan mental. Même une personne qui est âgée, qui est dans un lit, peut arriver qu'elle ait contact avec son esprit, se fusionner avec elle, puis transcender le monde des morts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui amener des choses. Un jour, vous rentrez voir votre grand-père ou votre grand-mère, et puis vous lui dites, est-ce que tu crois dur comme fer dans la religion qu'on t'a enseignée depuis que tu es jeune? On parle jamais de ça en vieux. Ah oui, j'y crois. Bon, t'es-tu bien sûr que tu y crois? Là, vous allez dire, crime, je peux pas vous parler de ça. Il est sécure là-dedans. Si j'y amène d'autres choses, il va être insécure. Il dormira plus. Il va vivre. Il n'en mourra pas. Faites-vous-en pas. Il fait tout pour pas aller là. Non, mais on comprend mal les personnes âgées. On se projette dedans. Oui, mais là, c'est tout ce qu'il y a pour le sécuriser. Mais est-ce qu'il faut nécessairement qu'il reste sécurisé, puis qu'il s'ennuie à mourir, puis qu'à un moment donné, qu'il prouve qu'il s'ennuie à mourir? Puis qui meurt. Alors, on va les voir, puis on leur amène de la vie. Là, ils vont réfléchir en yob. Là, vous leur amenez un livre ou deux, vous leur amenez quelque chose, vous leur amenez des supports, il y a des bons livres de psychologie. Oui, mais à 72 ans, tu lui amènes un livre de psychologie. Mais pourquoi pas? C'est pas mort! C'est nous autres qui les considérons morts, puis on les élimine. Amène-y un livre de psychologie, ils dormiront pas, ils vont affaler les autres vieux. Tant mieux! Ils vont vivre toute la gang. À un moment donné, ben, c'est les enfants de ces vieux-là qui vont dire, ouais, il y en a un qui rentre et qui amène ça, là. Parfait, eux autres aussi, ils vont commencer à vivre. Pas une idéologie. Amenez-lui pas de sa main une autre religion. Demandez-lui si réellement. Faites juste le faire vivre. Tu sais, vous écoutez Daniel Kemp. Amenez-lui pas une cassette de Daniel Kemp. Il n'a peut-être pas besoin. Amenez-lui une cassette d'Alexandre Lachance, par exemple, qui lui aussi a 84 ans, puis lui aussi amène du neuf. Pas le même neuf que Daniel Kemp, ça n'a rien à voir. Il est connecté à ce qui est connecté. Je suis connecté à ce que je suis connecté. On a deux langages différents. On s'adresse à deux publics différents. Mais est-ce qu'on fait la même chose? On lui amène quelque chose? Bon, alors, je suis toi. C'est ça qui te reste dans la vie. Tabarnouche, il me reste avec une pipe dans la vie. Tu fais-moi d'autre suite. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne pareil, puis la société est faite comme ça. Exactement comme un enfant qui va mourir, qu'est-ce qu'on fait devant ça? J'en ai vu un paquet, je travaillais à Sainte-Justine, puis j'ai fait de l'ambulance en masse de temps. Mais les enfants malades le savent. Il faut leur dire comment agir devant les adultes. Les adultes sont tous là, puis l'enfant va mourir, hein? Non, tu mourras pas. Ben, tarlate, oui. Les personnes handicapées, on agit comment? Faites comme s'ils n'étaient pas handicapés. Tu sais, il manque un bras, puis l'autre, il a vu de ça à deux mains, tu sais. Faites comme s'il n'était pas handicapé. T'es en chaise roulante, faites comme s'il n'était pas handicapé. Youhou, arrête de parler là, je t'assis! Parle ici! Mais non, ben c'est la même chose pour les personnes âgées. On refuse toujours la réalité. Alors, comment que les personnes âgées, comment faire pour qu'ils ne s'ennuient pas? Ben maudit, faites-le vivre. Oui, mais là, ils dormiront plus, ils vont se tourner dans leur lit. S'ils se retournent tout seuls, ça va ôter de la job. Depuis ma retraite, je m'ennuie énormément. Je me trouve pas de sens à ma vie. Je n'arrive pas à trouver quoi faire pour ne pas m'ennuyer, pour me motiver à faire des choses. Ce qui me rend mon cheminement plus difficile et ma santé s'en ressent. Bon. Une question dans le même sens. Vivre pourquoi? Est-ce de l'ennui? Bon, réponse bien plate, pourquoi vivre? Pourquoi mourir? C'est la réponse. Depuis ma retraite, je m'ennuie énormément. C'est normal. Alors, on a expliqué le mécanisme. Je ne trouve pas de sens à ma vie. Normal, il n'y a plus rien de neuf. Fait que dans tout ce qui est ressassé dans le passé, bien, vu que ça ne vous a jamais satisfait, c'est pas là que ça va commencer à vous satisfaire. Il faudra que vous vous convainquiez que c'est satisfaisant, parce que sinon, ça ne vous satisfera pas. Je n'arrive pas à trouver quoi faire pour ne pas m'ennuyer, pour me motiver. Le problème qu'il y a, c'est que les personnes, lorsqu'ils atteignent un certain âge, ceux qui se nomment ou qu'on nomme personnes âgées, finissent par se dire « mettre un but dans ma vie. J'ai plus d'avenir. » Mais il n'y a pas plus d'avenir que le jeune qui vient de naître. Théoriquement, les deux vont mourir. Mais l'idée, simplement, c'est que l'homme ayant une conscience limitée de son être-té sur le plan planétaire, donc ayant une conscience limitée de ce que c'est que la vie et la mort, donc ayant une conscience limitée de ce que c'est que l'existence, donc ayant une conscience limitée de ce qu'il est lui, il chronomètre, il va chronométriser tout ce qu'il va faire. Chronométrer. Il va vérifier les choses. Et à un moment donné, il va se dire, bon, ben de là, j'ai de l'avenir, de là, j'en ai plus. Savez-vous pourquoi qu'à partir d'un certain âge, la personne elle a l'impression qu'elle n'a plus d'avenir, qu'elle n'a qu'un passé? Parce qu'encore une fois, elle fait toujours référence à son passé pour essayer de comprendre ce qui arrive. Alors évidemment, elle regarde, puis elle a tellement fouillé dans sa mémoire pour essayer de comprendre ce qui se passe qu'elle a l'impression qu'elle a bien plus en arrière qu'en avant. En avant, c'est l'inconnu. Elle ne connaît pas tout. Il y a beaucoup plus en avant qu'il y a en arrière. Alors, la personne, il va dire, oui, mais c'est de la philosophie, je vais quand même mourir. Puis, ça, à 2 ans, l'enfant, il va quand même mourir. C'est quoi la différence existentielle entre vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans? Pas grande différence. L'important, c'est ce qui se passe au niveau de votre conscience. La personne, elle est à la retraite et elle n'a pas de but dans la vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait même pas pourquoi elle vit. Évidemment, on ne l'a pas enseigné, personne ne savait. La personne, ce qu'elle doit faire, elle doit faire que ce qu'elle fait à soi, qu'elle le fasse ici, qu'elle le fasse ailleurs, mais qu'à un moment donné, qu'elle finisse par trouver des choses neuves, amener des choses neuves. Pourquoi l'homme, il est là, l'homme? Il y a d'autres qui n'ont parlé. Ah, peut-être que ce qu'ils ont dit était peut-être suffisamment théorique, peut-être que c'était spéculatif, peut-être que ce n'était pas là, peut-être que c'était coloré. Donc, pas tout à fait vrai. Puis après, prenez ce qu'ils ont dit, trouvez ce qui n'est pas tout à fait vrai. Puis mettez du tout à fait vrai dedans. L'être humain qui vit sans jamais se poser la question, c'est un être humain qui ne s'ennuie pas assez. Parce que celui qui se désennuie ne réfléchit pas. Celui qui se désennuie ne pense pas. Celui qui se désennuie ne vit pas. Il supporte son ennui en jouant aux cartes. Les personnes âgées aiment jouer aux cartes. Il supporte son ennui en travaillant. La personne qui est à la retraite présentement, c'est une personne qui est un point parfait pour commencer une existence. Pourquoi? Parce qu'elle s'ennuie, donc elle doit réfléchir. Le problème, c'est que si elle réfléchit dans un cercle vicieux qui est sa mémoire, elle n'en sortira pas. Il lui faut du neuf. Qu'elle regarde autour d'elle du neuf, il y en a en vache. Puis de penser qu'il nous reste 5 ans à vivre, 10 ans à vivre, c'est ridicule. Parce qu'il y en a qui sont jeunes, qui s'imaginent qu'il leur reste 50 ans et qu'ils vont mourir dans 2 heures. Puis il y en a qui s'imaginent, moi je connais un bonhomme, justement Alexandre, à 50 ans, il pensait bien qu'il restait 3, 4, 5 ans à vivre. À 85 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Ah, ben là, il doit dire la même chose, hein, 85 ans, là, il ne doit plus m'en rester bien, bien. Non, lui, ce n'est pas ça qu'il fait, lui, il travaille. Mais il fait quoi comme travail? Il travaille sur lui. Oui, mais quand tu ne te connais pas, justement, il s'est promené partout pour essayer de se faire vibrer. Alors, à un moment donné, il pensait qu'il était un être pur et immortel, et puis il s'est fait dire que l'être humain n'était jamais immortel. Est-ce que c'est vrai ou faux sans rien avoir? Mais à un moment donné, ça l'a fendu en deux. Il est retourné chez lui et il s'ennuyait plus. Il avait peur. Ah oui. Et transcendant cette peur dans une recherche, il finit par se dire, bon, ben lui dit ça, lui dit ça, lui dit ça, lui dit ça, lui dit ça. Chose certaine, c'est que je suis là. Si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose là. S'il y a quelque chose là, ben moi, le trouver. Alors, on va lire. D'un coup que quelqu'un l'aurait trouvé. Et si personne ne l'a trouvé, il m'a le trouvé. Et si je meurs avant de l'avoir trouvé, ça ne changera rien à rien. Et si je trouve avant de mourir, peut-être qu'il va se passer bien des choses. Il est rendu à 84 ans, il a trouvé certaines choses. Il a déjà été aveugle, maintenant il voit clair, il a trouvé certaines choses. Et à un moment donné, ben, mourir ou pas mourir, ça ne change rien. Le corps physique va s'en aller, mais on ne sait pas si le reste va transcender ou va mourir aussi. Ça ne change rien. Alors, il faut faire quelque chose. Quand tu as beaucoup de choses à exprimer et que tu ne trouves pas de milieu pour l'exprimer, tu le fabriques ou quoi? L'ennui mental. Le fabriquer, cela veut dire trouver quelque chose, une façon de se désennuyer. Alors moi, évidemment, parler comme je parle, je n'avais pas de milieu de parler comme ça. Est-ce que j'ai fabriqué le centre? Non, le centre, c'est quelqu'un d'autre qui l'a inauguré. Et puis moi, bon, on m'a invité à faire des conférences ici. Et tant que le centre reste libéral, c'est-à-dire que tant que le centre ne devient pas sectaire, je fais des conférences ici. Quand tu as besoin de parler et que les personnes qui t'entourent ne sont pas des personnes qui vibrent avec toi, ben justement, tu dois trouver quelque chose comme ça. Il y a différents centres à Montréal qui sont quoi? Ben, ce sont des centres, justement, qui ont des êtres humains qui peuvent aller parler là, ici, puis d'autres à Montréal, pour aller parler, pour pouvoir jaser. Simplement. Vous trouver quelques amis. Il y a des personnes qui vont dans un centre, ils se font 3, 4, 5 amis, puis ils reviennent plus. Ils font là petit clic ensemble. C'est parfait. Ils jasent. À un moment donné, si ça devient trop petit, ben là, ils vont chercher encore. Ils reviennent ou ben non, ils font quelque chose. Mais vouloir bâtir un cadre dans lequel on pourrait jaser, ça risque de devenir... Vous savez, on a inventé le salon pour ça. Et dans les salons, on a des discussions de salon. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire. Les cadres existent déjà. Profitez-en. Bâtissez-en pas nécessairement d'autres. Sauf que si on vient, par exemple, dans un centre comme ici, simplement pour pouvoir jaser, il y a un problème. Si vous comprenez l'intelligence de la discussion, donc de la parole... Ah, c'est autre chose. C'est pas pour vous désennuyer, c'est pour avancer. C'est autre chose. On peut parler de corde à linge. Pour parler de corde à linge. On peut parler de corde à linge pour inventer la sécheuse à linge. C'est pas... Les deux parlent de corde à linge. Un est créatif, l'autre est un cercle vicieux, hein, comme la corde à linge. Alors, si la personne ne trouve pas de cadre avec qui parler, si elle a un besoin, si elle comprend l'intelligence, qu'en parlant, elle apprend, qu'elle place des choses, qu'elle comprend mieux des choses, bien là, il faudra qu'elle trouve un moyen de parler. Qu'elle crée le cadre ou qu'elle prenne les cadres déjà existants. Mais si c'est pour brimer l'ennui mental, on va rejouer le même jeu. On va finir par se sécuriser dans un cadre connu et on ne voudra pas dépasser la tradition. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Lorsque j'ai une discussion intelligente à engager, je ne peux pas parler parce qu'on pense que je suis flyé. Les personnes nouvelles sont flyées. Je dois demeurer silencieux, mais je bouillonne, je suis obligé de m'en aller, de quitter les lieux. Est-ce la seule solution qui s'offre à moi? C'est une conférence dernièrement qui était « La puissance de l'homme nouveau, l'ajustement ». Et l'ajustement, la diplomatie, l'hypocrisie, c'est la même chose, l'ajustement. S'en aller continuellement, non. Pourquoi? Parce que vous devez aussi semer des graines. C'est-à-dire que si vous avez des choses à dire, vous devez être capable de vous supporter. Et la parole va être le support majeur. Maintenant, avoir une grande gueule et aller voir n'importe qui pour leur dire tout ce que vous devez leur dire, c'est manquer d'ajustement. On va vous taper tout souvent. Ce n'est pas correct. On ne peut pas forcer et on ne se doit pas de forcer un humain à comprendre des choses qu'il ne peut pas comprendre ou qu'il n'a pas besoin de comprendre. Alors, si on est dans un cadre où tout le monde parle de quelque chose, puis ça a l'air à les faire vibrer, puis ça marche, puis que vous voyez au-delà de ça, est-ce que c'est nécessaire d'aller dedans pour les faire voir au-delà de ça? Vous voudriez parler, pourquoi? Parce qu'égoïquement, vous vous sentez... Il faut que le monde sache. C'est de l'ennui mental ou de l'orgueil. S'ajuster. On répond, de toute façon, la conférence que j'ai faite est enregistrée et ça répond suffisamment amplement au mécanisme de l'ajustement. Et au niveau du livre avec, qui peut aussi servir à un moment donné, on parle évidemment de l'ajustement au niveau de l'homme nouveau. Le livre, il a été fait d'une façon originale. J'en parle un peu plus ce soir. J'en parlerai sans doute jamais. Je déteste me répéter. Le livre, je l'ai fait d'une façon originale, oui. C'est qu'il y a un mode d'emploi. On dit souvent que je suis compliqué. Mais il y a un mode d'emploi dans le livre aussi. Comment lire ce livre? Parce que ce livre ne se lit pas de toutes les façons. Et le livre, il se lit comment? Ben justement, la personne, elle prend le livre et il y a des pages clés. Alors, elle va dans les pages clés qui sont au début du livre et elle lit. D'un côté, homme nouveau, d'un côté, homme ancien, et puis elle lit. Alors, on va, par exemple, parler de la politesse. L'homme nouveau, il n'est pas poli. L'homme ancien, il apprend à être poli et a besoin que les autres le soient. Alors, Si la personne elle, pose des questions, c'est écrit page 51 et elle commence le livre à la page 51 parce que c'est ça qu'elle avait besoin de savoir. Lorsqu'elle a fini le chapitre, elle revient dans les pages clés puis elle continue à lire. Puis à un moment donné, quelque chose, paf. Bon, elle s'en va donc à la page et elle lit ça. Selon ce que l'être humain a besoin de savoir, selon ce qu'il vibre, selon sa journée, selon cela, selon les questions qu'il se pose, alors il va simplement prendre les pages clés puis à un moment donné, il va fouiller. L'ajustement, on le traite aussi. C'est ça l'ajustement. Le livre est ajusté. Et de quelle façon le livre est ajusté? De façon à ce que tous les lecteurs de ce livre-là ne le liront jamais de la même façon. Ils vont tous le lire de la façon qu'ils devraient le lire. C'est-à-dire que je prends un humain et je place les chapitres exactement dans l'ordre que l'humain devrait les suivre. Mais comment faire ça pour tous les humains et comment décider quel humain a besoin de... Absolument pas. On fait comme ça, les pages clés, la personne, elle va puis elle lit le livre à sa façon. La personne qui discute, etc., elle doit donc trouver des clés aussi pour s'ajuster. Des clés pour s'ajuster. J'en ai parlé souvent dans la conférence. L'ajustement, la puissance de l'homme nouveau. On va de toute façon y revenir. Toujours s'en aller. Non, changer d'auditoire. Trouvez-vous d'autres amis ou bien non, trouvez à vous ajuster pour pouvoir parler avec eux autres. Parce que moi, quand je parle avec des personnes qui ne sont pas nécessairement de la conscience nouvelle, j'apprends aussi. Eux apprennent aussi, mais moi, je ne leur apprends rien. Je suis donc ajusté. Parce que vous savez qu'en apprenant ce que l'homme fait, pourquoi l'homme est manipulé de telle façon, pourquoi il dit telle chose, quelle est la correspondance amique, mentale ou intellectuelle, quelle est ceci, cela, pourquoi il souffre de ceci, pourquoi il parle toujours de ça? Mais on apprend à se connaître. C'est pas nécessaire que tout le monde comprenne ce qu'on a dit. On apprend à se connaître. Pourquoi on parle toujours de la météo? Ben, c'est un peu une loterie. C'est de l'inconnu. Ça nous fait vivre, parler de la météo. On ne sait pas ce qu'il y a, s'il va pleuvoir, neiger, etc. C'est de l'inconnu un peu, de notre sécurité. Alors, on parle de la météo. C'est vivant. Comment présenter Daniel Kemp à mes amis? Car après l'avoir présenté comme un conférencier, surgissent un tas de questions comme qui est-il, d'où vient-il, pourquoi fait-il des conférences, sur quoi, pourquoi irais-je l'écouter? Après tout, mon opinion est aussi bonne que la sienne. Je suis embêté de répondre. Aidez-moi. Bon, ça va être extrêmement tannant, mais la seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a un article publicitaire qu'on veut faire pour promouvoir le livre, et c'est simplement ceci. Vous avez plein de personnes qui vous achalent, qui ne vous comprennent pas, offrez-leur un livre. Ils vont peut-être vous connaître un peu plus, puis comprendre un peu plus. Comment présenter Daniel Kemp? Ben, c'est la façon la plus facile. Et quand il dit, ben, prends une cassette, laquelle? Ben, il y en a juste 130. Donnez un livre, n'est-ce qu'un. 136. Multiplié par deux heures, excusez. Est-ce que l'ennui, d'après vous, peut amener quelqu'un vraiment à faire une dépression nerveuse? Regardez ceci, tu finiras après. Lorsque l'âme, il est contenu. Hein? Vous savez que votre âme ne se mélange pas à l'âme des autres facilement. Il y a une enveloppe à l'âme qui, dans la religion catholique, porte le nom de Séraphin. C'est le périsprit. Cette enveloppe, il est fabriqué, il est constitué de vie, d'énergie vitale. Plus l'enveloppe est mince, plus la personne est sensible, plus la personne devient influençable. Alors, quelqu'un se met à pleurer, elle se sent touchée, elle pleure. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans l'âme de cet individu-là peut facilement pénétrer la sienne. Son enveloppe est mince. Une personne qui n'est touchée par rien a un périsprit qui est épais. On l'appelle souvent épaisse. Bon. Lorsqu'une personne s'ennuie, elle fouille dans ses mémoires. Et pour fouiller, cheminer dans ses mémoires, pour arriver à trouver quelque chose, inventer du neuf dans le vieux, elle s'est imaginée. Elle rêve dans la lune, elle tripe, elle pense. Bon, au moins, quand elle va s'exprimer, elle va faire quelque chose de neuf. Mais elle exprime du vieux, remalléabilisé. Bon. Lorsque la personne, elle travaille, elle s'ennuie, elle se gruge énergétiquement. Se grugeant énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Pas simplement que lentement, la personne, elle, essaie d'agencer ses mémoires de façon à créer du neuf. Et comme elle repasse toujours les mêmes mémoires, elle finit par créer un cercle, elle fusionne ses mémoires, elle finit par oublier son passé, elle finit par oublier un paquet de choses, et elle finit aussi par embarquer sur une trame qui est typique du passé, qui peut engendrer de la nostalgie, qui peut engendrer le bon vieux temps, qui peut engendrer ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, qui peut, à un moment donné, parce que l'astral, ça charrive, ça y est, c'est pour manipuler l'humain, ça manipule en maudit. Alors, à un moment donné, tu te rappelles, une personne t'a rencontré, puis là, t'aimerais ça la revoir, me fait 10 ans que tu ne l'as pas vue. Ça, c'était quelqu'un d'intéressant, tu sais, si on serait ensemble. Là, tu revis tous les phénomènes du passé, et qu'est-ce qui arrive, c'est pour pouvoir soutenir énergétiquement cette mémorisation de ce qui se passe au niveau de l'ennui. On a besoin, l'âme a besoin d'énergie, alors il prend l'énergie vitale du périsprit. Prenant l'énergie vitale du périsprit, il amène ici l'enveloppe séraphique, donc le séraphin. Alors il devient beaucoup plus manipulable par l'astral extérieur, c'est-à-dire le monde des morts, donc le ciel, la conscience collective. Alors des nouvelles idées maintenant vont germer chez lui. Pourquoi? Parce qu'il devient plus sensible, il devient plus manipulable, plus influençable. Alors, subitement, il regarde dehors, et puis là, il pense peut-être se suicider. Il n'aurait jamais pensé ça. Il regarde les médicaments, il ne sait pas ce qu'il devrait en prendre, toujours été contre. Et il ne veut plus perdre la personne. Il finit par plus aimer. Il pense un paquet de choses que jamais il n'a pensé. Non, parce que c'est des mémoires qui se promènent un peu au niveau de la conscience collective qui finissent par venir l'animer. Lentement, il s'en va en dépression. Pourquoi? C'est la dépression est un terme qui parle d'énergie. Il s'en va en dépression parce qu'il se gruge de l'énergie. Lentement, il gruge au niveau du plan physique, alors il devient fatigué. Il dort de plus en plus mal, il se fait charrier par ses rêves, par ses cauchemars, parce qu'il baisse en vibration, donc il commence à cauchemarder. Il rêve plus. Alors, à un moment donné, il finit par avoir des problèmes physiques, il n'a plus le goût de manger, il ne digère plus. Il s'en va vers une dépression nerveuse, mais elle n'est pas nerveuse, elle est énergétique, la dépression. Elle est énergétique. Évidemment, par le système nerveux, l'astral s'exprime. Alors, on appelle ça une dépression nerveuse. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner des médicaments qui vont déconnecter la conscience de l'humain de son corps physique. On donne, bon, du Valium. Le corps se relaxe, même si la psychologie ne veut pas. Et à un moment donné, il y aura des traitements intensifs en soins psychiatriques pour les dépressifs extrêmement avancés, de façon à déconnecter carrément, à le boutiser temporairement, à aldoliser leur cerveau pour qu'ils laisse en paix le reste. Lorsque le corps revient, lorsque lentement il redonne goût à la vie, lorsqu'on la désennuie, lorsqu'elle revoit la vie peut-être sur un autre point de vue, donc un autre œil, ben lentement elle peut revenir. La dépression nerveuse est toujours amenée par de l'ennui. Certains vont dire, oui, mais c'est la dépression nerveuse parce que ses enfants sont tannants. Non. Les enfants sont toujours tannants, mais ça réincruste toujours le même maudit phénomène au niveau de l'émotion de la personne. L'enfant n'est pas le problème. Un enfant est toujours sage, amène le parent dans une dépression autant qu'un enfant qui est trop nerveux, qui est trop tannant. Et ce n'est pas l'enfant qui amène dans la dépression. C'est la répétition sans cesse des mêmes maudits phénomènes. Tu rentres toujours dans ta même maudite maison. Ton chien met toujours t'es liché la main et barre dessus. C'est toujours le même phénomène. Achète-toi un éléphant, change pas un tigre. Un chien pas de langue, essaye quelque chose. Achète-toi des souliers en plomb, il pourra plus venir te porter. Si t'aimes plus ça, je mets du neuf. Ça évite la dépression. Comment expliquez-vous le fait que je sois tiraillé entre le fait de travailler tantôt pour les personnes âgées et d'autre part pour les enfants? Les deux m'attirent, mais j'hésite. J'aimerais avoir votre opinion à ce sujet. Bon, je n'ai pas d'opinion sur rien, soit dit en passant. Vous devez vous faire vous-même vos opinions. La mécanicité, je peux parler de mécanique, on peut parler de phénomène, on peut expliquer des choses, mais l'opinion, non. Comment expliquer? Bon. La personne âgée, c'est une personne qui souffre. C'est une personne dans laquelle on peut se projeter facilement. Qui a de quoi nous apprendre au niveau de l'expérience, parce que l'homme bâtit toujours la base de sa vie sur le sommet de celle des autres. De quoi nous amener au niveau de l'expérience, et en même temps, on se projette un peu dedans. On souffre avec elle. On aime. On veut travailler. L'enfant, lui, par contre, est l'espoir de demain. C'est-à-dire que l'enfant est l'espoir de la vie. L'enfant veut du neuf. La personne, elle est donc assujettie à sa sécurité, l'expérience de la personne âgée, la sagesse, la sécurité, et le goût du neuf de l'enfant, que tu dois essayer de comprendre, que tu dois paramétrer. D'un coup, il sort de là, d'un coup, il t'amène des choses que jamais tu aurais pensé. Tu apprends à découvrir de l'esprit dans un cerveau. Alors, la personne, elle est donc effectivement tiraillée de la même façon entre ces deux mécanismes. Travailler pour qui, pour l'un ou pourquoi, ça la regarde. Parce qu'elle peut aussi engendrer du neuf dans les personnes âgées. Et vous allez voir qu'une personne âgée qui, à un moment donné, commence à vivre du neuf, elle peut vivre du neuf comme un enfant. Et elle peut en vivre en maudit du neuf. Elle peut faire réfléchir en maudit, mais pas rien que faire réfléchir. « Ah, tu veux te lancer en affaire, tu devrais pas. » Elle a déjà essayé trois fois de manquer mon coup. C'est pas ça que je parle, là. Elle fait pas réfléchir comme ça. Une personne âgée qui, à un moment donné, finit par avoir des choses neuves, elle se couche, puis elle est près d'un monde que le jeune ne connaît pas. Et quand elle revient avec « J'ai vu telle chose. Jamais avant, j'en aurais parlé. J'aurais pensé que c'était... Mais je pense plus que c'est ça. » Alors, la personne, donc, elle travaille avec les personnes âgées ou les personnes jeunes, elle peut vivre du neuf, ça dépend simplement à elle d'enligner les choses. Comme elle peut vivre du vieux avec des enfants, si les paramètres à rester traditionnels. C'est normal. Certains couples peuvent aussi rechercher autre chose que l'ennui en se mariant. Deux individus respectant chacun leur authenticité ne peuvent que réussir, doublant ainsi leur énergie. Qu'en pensez-vous? Bon, ce n'est pas... Faut faire attention. La personne ici peut s'ennuyer, vouloir avoir quelqu'un, et en même temps, elle peut concevoir intelligemment l'intelligence de l'union. Parce qu'il y a deux choses différentes. Quelqu'un qui se marie parce qu'il s'ennuie va divorcer aussi parce qu'il va s'ennuyer du mariage. Bon. C'est évident que l'homme nouveau et la femme nouvelle vont vivre ensemble. Pour des raisons de procréation à un moment donné, mais par contre, ils auront des enfants. Quand ce sera intelligent, il y aura des raisons intelligentes d'avoir des enfants. Pas avec des motifs, puis encore moins accidentels. C'est bien évident que lorsque deux humains peuvent ensemble vivre des choses neuves, pourquoi souvent les couples s'entendent mal? Sa vie, c'est neuf, ce qui se passe. Au moins, ça les fait évoluer. Ésotériquement, on dit que le couple est un phénomène initiatique. Je pense que la majorité des couples sont d'accord avec ça. Bon, initiatique, d'apprendre. Lorsque deux êtres humains qui sont suffisamment dans leur intelligence s'unissent ensemble, lorsqu'il y a une union, bien évidemment, ici, ils sont capables de respecter leur authenticité, ce qui habituellement n'est jamais le cas. Ils sont capables de respecter leur authenticité, ça veut dire qu'ils vont toujours donner le feeling qu'ils ne s'aiment pas ou qu'ils ne sont pas mariés par rapport à tout le monde. Quand tu n'as pas vu avec ton mari, il est toujours vu tout seul. Ah oui, lui, il aime ça, ces vues-là, moi, je vois d'autres choses. Mais ça valait la peine de se marier? Certainement. Couchez-vous dans le même lit, au moins, même pas dans deux chambres différentes. Pourquoi? On dort mauditement mieux. Moi, je me lève le matin, je fais mes bébés, je le réveille pas. Lui, il rentre plus tard le soir, il travaille, il se couche, il me réveille pas. Ah ouais, mais vous ferez pas des enfants forts? Absolument pas. Quand on a besoin de se coller, on couche ensemble. Puis quand à un moment donné, ben, on couche séparément, puis notre corps est fait pour ça. Alors, vu de l'homme ancien, évidemment, le couple nouveau, ça fait original. Mais là, il se respecte. Ils se respectent totalement. C'est-à-dire qu'ils restent eux, puis ils vivent ensemble. Pourquoi? Parce que ce n'est c'est intelligent, ils vivent ensemble. Mais ils sont individuels dans leur conscience, même s'ils sont collectifs dans leurs agissements. J'en ai déjà parlé. Les sociétés, c'est brillant, une société. Quand l'humain est capable de collaborer d'une façon écologique, mais de rester individuel dans sa conscience, quand l'humain ne demande pas l'opinion des autres, pour qui tu votes, toi? Ah, tu votes pour lui? Ah, puis toi aussi? Ah, peut-être qu'il est correct, le gars. C'est ça, la conscience individuelle. Mais par contre, tout le monde va aller voter. Dans le sondage qu'on a passé, on a eu une surprise intéressante. Sur 93% des personnes qui viennent ici détestent les conférences de politique. Pourtant, c'est ceux qui sont placés là qui manipulent le plus le monde. La société ne transforme rien. Pourquoi? Parce que justement, on ne veut pas en parler. Alors, à un moment donné, Daniel, il disait, crime, faudra se donner de la marde. Ben effectivement, la politique, il faut que l'être humain aille voter, il faut que l'être humain s'intéresse à ce qui se passe, il faut que l'être humain devienne ministre ou président, s'il le faut, mais il faut que fasse les choses. Carré de chialer. Alors, c'est même qu'on bâtit des sociétés qui se tiennent debout, pas des sociétés qui se dégringolent l'une par-dessus les autres. Alors, le couple, ben évidemment que l'être humain peut s'allier en couple et fonctionner d'une façon extraordinaire. C'est évident. L'homme nouveau a une conscience individuelle. Mais rares vont être les hommes nouveaux qui vont être seuls, qui vivront pas soit qu'une femme ou soit avec un mâle nouveau. Pas nécessairement tout de suite, parce que tant que la finalité, tant que l'être est transitif, bien, s'ils s'affittent ensemble, il y a des chances qu'à un moment donné, qu'ils ne s'affittent plus. Il y en a qui s'affittent et qui s'affittent tout le temps, bien, c'est merveilleux. Sauf que normalement, on aura beaucoup de célibataires. Les jeunes ne voudront pas nécessairement se marier. Pas tout de suite, parce que c'est pas le temps. À un moment donné, ben là, ils vont être suffisamment eux. Ils vont savoir comment à s'améliorer. Ils vont trouver quelqu'un qui a une tendance parallèle. Ils vont s'unir ensemble parce que c'est mauditement plus intelligent. Et après, ils vont aussi léguer dans la génétique leur transformation. Ils auront donc des enfants un peu plus tard. Y a-t-il une école de surdoués? Car un enfant superactif, hyperactif, hyper émotif et surdoué au primaire se doit d'aller à l'école. Les enfants de surdoués, on a des écoles de surdoués. On a quelques écoles apparemment appelées pour les surdoués, mais je ne sais pas si les enseignants sont surdoués. Le problème d'un enseignant qui n'est pas surdoué, c'est qu'il reste souvent frustré égoïquement de l'enfant surdoué. Alors évidemment, il risque de vouloir paramétrer, de vouloir l'encarcaniser, le limiter. Parce qu'un enfant surdoué, on a des hypermentaux, mais l'enfant nouveau peut être surdoué en mathématiques. S'il aime les mathématiques ou s'il aime son prof, peut être bon en mathématiques. Sauf qu'à un moment donné, le prof peut rentrer plein de maquillage, puis l'enfant peut le regarder puis lui dire, c'est drôle, mais les personnes qui se maquillent, ils veulent pas connaître la vérité, eux autres. Ben là, le professeur qui est tout maquillé, là, l'enfant nouveau, là, il va rentrer dans son livre de maths. Parce que l'enfant nouveau, c'est qu'il perçoit vibratoirement la consonance évolutive de l'ego de chacun des humains. C'est pour ça qu'à un moment donné, il fait peur aux adultes. Alors, une école pour enfants nouveaux, il n'y en a pas pour l'instant. C'est dommage. Si un jour on en veut, ben, faudra que politiquement on en instaure. C'est ça. Et si on attend que le centre en parte une, le centre n'en partira pas parce que le centre n'est pas le sept. Si on attend que tel genre d'organisation, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que l'enfant nouveau n'a pas 15-20, c'est la majorité. Là, maintenant, il n'y a pas d'école d'enfants nouveaux, on appelle ça des écoles de décrocheurs. Et puis, il en faudra de plus en plus parce que c'est la masse. Alors, c'est encore une fois, quand on ne veut pas entendre parler de conférences politiques, OK, entendre parler de bonhommes qui viennent vanter des choses, ça va. Mais la politique, c'est le fondement même de la manipulation de la conscience collective. On a plein d'humains dans la société qui font tel genre de choses. Ben oui, mais c'est normal aussi. Il n'y a personne qui en va se placer quelque part pour changer quoi que ce soit. Fait que, évidemment, ça ne change rien. Les écoles pour adapter aux enfants, et non pas les écoles qui adaptent les enfants, bien, un jour, il faudra évidemment que ça s'instaure. Mais ça, il faudra qu'il y ait suffisamment d'individus qui vont décider que ça doit être instauré. Et ça va être instauré. Étant donné qu'on paie d'une façon ou d'une autre pour le mal que l'on a fait, comment peut-on se faire pardonner tous les passés et revivre? Bon, chose importante, très importante. L'homme est responsable de ce qu'il fait, mais l'homme n'est jamais coupable. Donc, l'homme ne paie pas. L'homme souffre ce qu'il fait. Ou l'homme en bénéficie. Mais l'homme n'est jamais récompensé. Il en bénéficie et l'homme ne paie jamais. Il souffre. Comment être pardonné du passé qu'on a fait? Oubliez-le. Et vous serez pardonné. Pourquoi? Parce que le karma majeur de l'homme est un karma relatif, un karma que l'humain s'impose lui-même, la culpabilité, entre autres. Lorsque l'humain va voir le prêtre, que le prêtre lui dit qu'au nom de Dieu, il le pardonne, en réalité, c'est l'homme qui pardonne l'homme, parce qu'on a offensé l'homme. L'homme se sent allégé, il se sent bien. Alors, tout le passé que l'on a fait, sachez une chose, c'est que tout, la personne emploie le mal, tout le mal que l'homme fait, il n'y a pas un humain sur la planète, il n'y en a pas, je vous le dis, il n'y en a pas, qui agisse en disant « c'est du mal que je fais, puis je m'en vais le faire ». Tout le mal que vous avez fait, c'était toujours du bien que vous vouliez faire. Ou vous étiez suffisamment manipulé et omnibulé, vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de faire. Vous allez payer karmiquement, donc vous êtes responsable. Vous allez devoir supporter ce qui a été fait, mais pardonner. Je peux dire, on n'a pas vous pardonné. Vous n'êtes pas coupable. Ou encore, vous êtes pardonné bien avant de l'avoir fait. Vous ne pouvez pas faire autrement. L'homme discerne le bien du mal après. Ah, il faut vous sentir bien.